ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 7ème dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis Corentin et on va aujourd'hui poursuivre notre odyssée, on peut dire, du MCU, et je suis toujours avec Melvin. Melvin, comment vas-tu ? Ça va toujours. Et en plus de Melvin, on a un invité exceptionnel qui nous rejoint finalement pour apporter un petit peu un contrepoint, je spoil déjà l'épisode, sur cette fameuse phase 4, en la personne de Roman. Roman, comment vas-tu ? Bah ça va bien et toi ? Bah ça va toujours. Donc en fait, suite au dernier épisode sur le MCU, on avait conclu avec la phase 3. On s'attaque aujourd'hui à la phase 4, cette foutue phase 4 qu'on continue jusqu'à aujourd'hui. Sans trop spoiler, Roman, comment ça s'est passé toi de redécouvrir tous ces... Enfin, je propose qu'on commence plus largement. Ton rapport au MCU depuis le début, c'est comment ? Alors je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup le MCU en général. qui avec le temps remettent quand même quelques trucs en question, mais globalement j'aime beaucoup le MCU. Je suis surtout un très grand fan du premier Avengers de Joss Whedon, que je trouve incroyable et que c'est un des meilleurs films de super-héros qui existe. Et je suis très fan d'autres films aussi du MCU comme Doctor Strange ou Iron Man 3. Ok, super. Et ce revisionnage, cette redécouverte de la phase 4, pour toi, c'est sans trop spoiler pour le moment, comment ça s'est passé ? Alors, sans trop spoiler, bah, j'ai revu que trois trucs au final sur les six dont on parlera aujourd'hui. J'ai revu les deux films et une des séries, je ne vais pas dire laquelle tout de suite, pour un peu laisser du suspense. Mais niveau film, le revisionnage, c'était en demi-teinte. J'aime ta pudeur vis-à-vis. On va dire ça comme ça, on va dire que c'était de la demi-teinte. Et niveau série, celle que j'ai revue, y a du très bon comme du très très très OSEF, pas bon, mais on y reviendra. Nul, tu peux dire. Et toi Melvin, comment ça s'est passé pour redécouvrir, revoir tout ça ? Alors, redécouvrir. Moi, je me suis arrêté à découvrir quand je les ai vus, hein, parce que m'infliger tout ça une seconde fois, non merci. Et non, cette phase 4, c'est compliqué. Et je les ai suivis dans l'ordre quand ça sort, mais pas plus que ça après. Je ne vais pas être le plus aguerri dans cet épisode. Et en ce qui me concerne rapidement, moi, pour le coup, j'ai à peu près tout revu, sauf un truc. On va en parler. Je pense qu'à ma grande surprise, je suis à peu près le plus sympathique vis-à-vis de cette phase 4, c'est-à-dire que y a pour cette première fournée, en tout cas, pas grand-chose que j'ai vraiment détesté. Il y a un truc que je sauve vraiment beaucoup, mais ceux qui suivent les épisodes sur l'MCU, je pense, ont déjà deviné ce que je sauve. Et non, mais c'est vrai que sur cette fournée... Thor 4, le prochain épisode. Laissons Chris en dehors de ça pour une fois. Et surtout, c'est pas fou, Thor 4. Et Mélissa. Ah oui. Ah non, oui. Mais c'est vrai que sur cet épisode, au global, je m'attendais à réévaluer des trucs, et non. Ça, c'était très sympa aussi, c'est que globalement, mes avis sont restés totalement constants. Et donc, je propose qu'on attaque tout de suite avec WandaVision. Nous sommes vraiment un couple pas comme les autres. Nous n'avons pas de chanson, même pas d'alliance. On peut remédier à ça ? Je le veux. Et toi ? Je le veux. Oh, les jeunes mariés viennent d'arriver. Une jolie femme et son mari. Cet endroit... Je ne comprends pas ce qui se passe. Oh, mais c'est la grande vedette du spectacle. Que veux-tu dire ? Voilà. Attends. Un très bon sommet. et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc, WandaVision, donc première ouverture de cette phase 4 avec une série. Marvel confirme donc son envie de partager ses terrains d'attaque en s'attaquant au petit écran, en proposant dès le début cette série centrée donc sur le personnage de Wanda et sur celui de Vision. Série sortie en janvier 2021 et fait 9 épisodes, c'est la série la plus longue pour l'instant. 9 épisodes qui font entre 20 minutes pour le premier et à peu près 1 heure pour le dernier. À la réalisation, on a Matt Shackman, que j'ai trouvé être un illustre inconnu, j'ai juste trouvé qu'il était en charge du prochain film Star Trek, pourquoi pas. Jack Schaefer à l'écriture, qui était déjà responsable sur Black Widow et Captain Marvel, comme quoi on va chercher les meilleurs. Faut savoir qu'il a embauché 8 personnes quand même, fallait se mettre à 8 pour ça. À la musique, on a Christophe Beck, on l'avait déjà vu sur Ant-Man 1 et 2, il avait aussi fait La Reine des Neiges. À la photo, on a Jess Hall, qui a fait Hot Fuzz et Ghost in the Shell, pas non plus un manche. Au casting, on retrouve donc Lizzie, Elisabeth Olsen, Paul Bettany, Catherine Hahn, qu'on avait vu dans Walter Mitty ou dans Captain Fantastic, dans le rôle de Agatha Harkness, Randall Park, qu'on avait déjà vu dans Ant-Man, dans le rôle de Jimmy Woo, et on retrouve Kat Dennings, qui est la Darcy de Thor 1 et Thor 2, on s'en rappelle, est-ce qu'on avait envie de la revoir ? Pas forcément, mais également pour un épisode, Evan Peters, le vif argent des X-Men de chez Fox, si je dis pas de bêtises. Au budget, on est à peu près à 25 millions par épisode, et il faut savoir que la réception a été extrêmement positive. Vraiment, les critiques ont encensé la série, et la série a pendant un temps, selon un communiqué, été la série la plus regardée dans le monde. Pour ce qui est de l'histoire, donc ça se passe juste après les événements d'Avengers Endgame, donc juste après le snap et de Thanos et le retour donc de tous les héros, et on suit le quotidien de Wanda et de Vision à New, j'ai déjà plus le nom de la ville, dans une petite ville. Westview. Comment ? Westview, pardon, merci Westview. Beaucoup. Qui suivent donc leur petite vie de couple, mais tout ne semble pas aller comme ça devrait. Je reste assez flou pour le moment. Et Melvin, comment c'est toi et WandaVision ? Quelle est ta relation avec cette série ? Alors, vous savez, les séries Marvel, c'est pas mon domaine. Donc, j'avais suivi ça un peu en décalé. Et j'avais bien aimé, parce que je trouvais ça assez original. Mais je trouve que ça s'enfonce après dans un classicisme terrible. Et ce qui fait que ça m'a ennuyé, comme en fait quasi toutes les séries Marvel. Donc, comment je fais ? Hey, c'est cool ! Et après, j'en ai marre. Ça sera un peu une constante. Au moins, c'est honnête. Et toi, Roman ? Alors moi, j'avais suivi la série en direct quand elle sortait semaine après semaine. J'avais été étonnamment surpris des premiers épisodes et surtout du style un peu Ma sorcière bien-aimée qui était quand même très sympa là-dedans. Et après, plus ça avançait, plus le côté parodie de sitcom se perdait au profit de l'intrigue, du coup. Mais globalement, je suis quand même très satisfait de WandaVision, qui est une des séries Marvel que j'apprécie le plus. Bah merci, et je pense que je vais être le plus sympa, mais juste sur celle-là, je démarre comme ça. Moi, je pense sincèrement que c'est la série Marvel que je préfère pour le moment. C'est-à-dire que je l'ai pas suivi en direct parce que je préfère attendre que tout soit sorti pour tout regarder. La seule série que j'ai suivie en direct, c'était Moon Knight et c'était pas bien. Mais WandaVision, au-delà de l'affect énorme que je porte au personnage d'Elisabeth Olsen, en fait, et Roman a parlé du côté sitcom qui malheureusement se perd un peu au fil des épisodes. Enfin, un peu beaucoup. Tout simplement, en fait, c'est du Elisabeth Olsen porn, en fait. C'est-à-dire que le réalisateur, je pense qu'il a dû tomber amoureux d'elle pendant le tournage, c'est pas possible, elle est sur tous les plans. Ce qui, finalement, n'est pas désagréable. Hein. Si on aime bien Elisabeth Olsen, c'est extrêmement agréable pour les yeux. Après, moi, ce que je reproche à WandaVision, c'est que c'est en même temps... C'est en même temps ce que je lui donnerais comme qualité, c'est sa longueur. C'est-à-dire que ça dure 9 épisodes, c'est peut-être un peu long pour ce que c'est, mais en même temps, ça permet de développer quand même une intrigue que je trouve en tout cas être plus cohérente et plus concise que ce qu'on pourra trouver dans d'autres séries. Je pense notamment à Tristesse, Loki. Et l'air de rien, le personnage de Wanda, vole complètement la vedette ici, comme elle le fera d'ailleurs dans Doctor Strange 2, dont on parlera plus tard. Mais c'est vraiment dans cette série, pour moi, que tout son développement est... on voit son personnage se développer, vraiment évoluer, et l'air de rien... Ça, moi, je le dis, dans l'épisode où tu vois tout son passé, et finalement, elle revient à Westview, etc., j'ai eu mon petit pincement au cœur, malgré tout, où je pense que je suis peut-être un peu trop sensible, mais où vraiment j'ai eu un petit pincement quand tu vois finalement tout ce qu'elle a dû endurer avec ça. Après, on n'est pas forcément dans une analyse psychologique à la Fincher, hein, loin de là, mais malgré tout, je suis quand même vraiment attaché à cette série, que je trouve avoir de vraies qualités. Déjà technique, je trouve que c'est une série où la photo vraiment se défend. Il y a pas, j'en parlais sur Thor 2 et sur d'autres épisodes Marvel, mais il y a pas l'effet Playmobil où le fond est moche. Là, ça va. Il y a quand même vraiment des images assez jolies. Je pensais à la fin lorsque elle revêt enfin son costume de sorcière rouge avec tous les faits autour d'elle. J'aime beaucoup cette image. Et même sur les personnages secondaires, c'est-à-dire Darcy est moins insupportable que dans les films Thor. C'est pas très compliqué, mais dans le tout, j'aime plutôt bien son personnage, et j'aime beaucoup le personnage d'Agatha. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de Agatha Harkness. Qui y va? Je couperai les blancs si nécessaire. Ah mais vas-y, vu que tu parles, ok. Alors Agatha, c'est un perso très très cool, je trouve, qui a cette espèce de folie. Le coup de... J'ai tué Sparky aussi. elle est folle. Et c'est ça qu'on aime. Parce que j'adore les personnages de taré. Même si c'est taré MCU, c'est-à-dire taré sous kryptonite. Mais... Taré gentil. Tu vois, taré attaché. Quoi. C'est ça. Ah, sous kryptonite, c'est ça. Mais qui est un perso qu'on adore comme méchant, un peu le style de Bellatrix Lestrange, quoi, mais en moins taré. Il y a de ça, mais d'autant que moi, ce que je me demande, c'est que dans les comics, Agatha Harkness, si je dis pas de bêtises, c'est la babysitter des enfants des 4 Fantastiques. Et je sais qu'ils veulent faire une série sur elle, à voir comment ils vont la développer, mais moi, je trouvais que justement, l'intérêt de ce personnage dans WandaVision, c'était, entre guillemets, son absence. Elle est là sans vraiment être là, et finalement, on la connaît pas tant que ça. Mais elle arrive quand même à bien marquer l'esprit, notamment à cause de sa foutue chanson. Une fois que tu l'as entendue, elle reste en tête pendant une semaine, c'est mort. Et toi, Melvin, sur WandaVision, est-ce que, malgré ton ressenti quand même global plutôt froid, est-ce que t'en retires quand même quelque chose d'un peu positif, d'un peu sympathique malgré tout? Et oui, comme je disais, par rapport à quasi toutes les autres séries qui vont arriver, il y a quand même une certaine originalité dans le fait de faire comme des sitcoms où qui vont changer à chaque épisode, ça, c'est sympa et ça change surtout pour des trucs de super-héros. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Mais voilà, la fin, ça me convainc pas. Il y a deux, trois trucs que je trouve trop classiques qui me gênent. Toute la partie avec les gentils, on va dire. Et ça passe pas pour moi. Mais oui, après, ça reste. Il y a un côté original qui fait plaisir. Et évidemment, oui, Elisabeth Olsen, parfaite dans son rôle, comme d'habitude. Évidemment qu'elle est parfaite. Mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord que c'est... En tout cas, c'est mon avis. Mais est-ce que vous partagez que c'est la série la mieux écrite du MCU pour l'instant? Alors, non. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu mieux écrit. Et Roman? Alors, j'ai pas vu toutes les séries du MCU, parce que je suis en train de rattraper Moon Knight et j'ai pas encore vu Miss Marvel. Non, mais Miss Marvel, c'est sympa, ça sera pas meilleur qu'on fait ça. Tu t'es gardé meilleur pour la fin. Et niveau écriture, non, il y en a eu. Je parle vraiment autour de... Pour moi, c'est vraiment autour du personnage d'Elisabeth Olsen, en fait. C'est vraiment... la série est littéralement à son service, vraiment. C'est-à-dire que... c'est pas pour rien que la série porte son nom, mais vraiment, c'est elle, la vedette... plus que Vision, plus que tous les autres personnages. Et je trouve que dans des séries comme, par exemple, si on prend Loki, dont on va parler juste après, Loki, c'est plus le personnage dans une histoire qu'on va voir évoluer. Là où WandaVision, la série entière est au service de Wanda. C'est en ça que je trouve que c'est la mieux écrite, dans le sens où la série est à son service, on la voit évoluer, et c'est quelque chose qui, moi, me semble cohérent et qui, comme j'ai dit, réussit à me toucher un peu sur la fin. Mais elle est rarement surprenante. Tu vois. Ah non, clairement pas. Ouais, à la fin, tu sais que tu allais arriver à là, et c'est là que je trouve que tu dis la mieux écrite, mais à aucun moment je suis surpris. Quand je vois toute la fin, je fais ben oui, mais attendez. Mais est-ce que. Mais tu dis que ça devient prévisible, mais pour toi, ça devient prévisible uniquement sur la fin, c'est-à-dire lorsqu'elle se révèle être la sortie rouge et que bah à ce moment-là, ça vire en combat avec le méchant, etc. Ou est-ce que pour toi, dès le début, c'est-à-dire dès. Parce qu'au début, en fait, les 3, 4, allez, un petit peu 5 premiers épisodes, c'est entre guillemets un peu intriguant, c'est-à-dire qu'on voit juste les gens suivre leur vie avec toutefois quelque chose un peu intrigante qui peuvent arriver à droite à gauche. Et pour moi, c'est à partir du moment où on voit le personnage de Vif Argent que ça part vraiment, on se dit, ça part vraiment ouvertement dans le fantastique. Mais jusque-là, je trouvais que ça arrivait plutôt bien à doser le côté intrigant qui fait que tu as envie de voir comment ça va évoluer. Et en même temps, les rails MCU classiques, si je peux me permettre. Roman, t'en penses quoi de ça? Pardon, désolé, j'étais en train de retoucher l'affiche sur Shang-Chi. Tu peux répéter, s'il te plaît? On coupera. Pas de soucis. T'inquiète. C'est juste, en fait, ce que je disais, c'est en fait, est-ce que la série vous semble classique dans le sens où, à la fin, ça doit finir en baston, déluge d'effets spéciaux, on bat le méchant, etc. Ou est-ce que pour vous, dès le début, c'était mort? Parce que pour moi, justement, jusqu'à l'épisode 4-5, la série arrive plutôt bien à jongler entre passage un peu intrigant, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des choses étranges qui arrivent et on comprend pas forcément trop, et rail MCU plus classique, entre guillemets. Bah, je trouve que le début en tant que tel, t'as pas tellement de passages intrigants. T'en as parfois, mais ils sont très rapides, vraiment ils durent pas longtemps. Et après tu repars sur le truc de sitcom, là, surtout sur les 2-3 premiers épisodes. Et après, ça passe de vite fait un tout petit peu intriguant à beaucoup intriguant quand t'as Evan Peters qui arrive, puis quelque chose d'assez classique après. Et toi, Melvin? Ben, je suis d'accord avec Roman, oui, c'est exactement ça. Après, Evan Peters, ça reste une grosse blague hein, quand même. Moi, ça passe pas avec moi. Ouais, mais c'est ça qui était génial. Non. Je refuse ça. Il est vrai, mais en fait, c'est pas lui. Non. Déjà, faut rappeler que son personnage est à l'origine des meilleures scènes des derniers X-Men, qui sont quand même pas. Enfin, X-Men Apocalypse, quoi. C'était pas. Ouais, bon. J'aime beaucoup X-Men Apocalypse, mais. On est deux contre toi, quoi. Ouais. Il y a Oscar Isaac. Non, mais. Oui, il y a Oscar Isaac, mais c'est. Enfin, mec, j'ai Apocalypse, quoi. Merde, tu peux pas faire ça aux méchants, quoi. Thanos qui fait de la trottinette électrique, c'est le même niveau de respect. Mais pour le coup, ce que j'ai beaucoup aimé avec Evan Peters, c'est imaginer les scénaristes quand ils ont écrit et ils se sont dit, trop drôle. Et genre, le lendemain de la diffusion de l'épisode, je sais pas si vous vous rappelez, mais littéralement, tous les réseaux orientés autour de Marvel étaient en mode, waouh, ouais, ça y est, le multivers! Avant même qu'on ait la moindre confirmation ou quoi, ils étaient tous en train de péter un câble sur le fait qu'il y ait l'acteur de Vif Argent dans la série. Mais bref, donc on a terminé sur WandaVision, vous avez encore quelque chose à rajouter? Moi, c'est bon. Ok, alors je propose que Melvin, est-ce que tu as un épisode ou un passage que tu retiens dans la série malgré tout? Non, c'est plus global, l'aspect sitcom qui est assez étonnant pour un truc de super-héros. Donc c'est pas un truc plus énorme, mais c'est ce côté-là. Ok, et toi Roman? Alors moi, ce serait vraiment le début avec tous les trucs à base d'assiettes volantes, les trucs très très années 50-60. C'est un truc qui m'a pas mal marqué ça dans la série. La scène du très kiosque. Très bien aimé. De quoi? Très ma sorcière bien aimé, c'est ça, ouais. La scène du kiosque aussi où tu vois l'intérieur de Vision, l'espèce de vieille machinerie à l'ancienne. Ça, c'était très original, mais bien plaisant, très bien plaisant, ça veut rien dire. C'est ultra cool cette scène. Et juste le And I Killed Sparky too. Et juste pour tous les mèmes avec John Wick qu'il y a eu avec ça. Oui. on vit pour les mêmes internet autour de John Wick. Voilà. Ah oui, et juste vite fait aussi, le fait que. On ait une blague sur le fait que le personnage de Evan Peters s'appelle Bonheur. Voilà. On l'accepte. Melvin s'arrache les cheveux en entendant son personnage se faire appeler comme ça, mais on l'accepte. Et moi, en ce qui me concerne, une scène que j'adore, c'est la scène du spectacle de magie, que je trouve vraiment très, très, très, très cool. Et en fait, à peu près tous les gifs qu'il peut y avoir autour de cette série avec Elisabeth Olsen dedans refont ma journée dès que j'en reçois. Hein. Donc moi, à part, basiquement... Non, vraiment, cette série, je sais qu'elle est limitée en termes de qualité pure, mais je pense que j'ai tellement un affect tellement fort pour le personnage que je passe un vraiment, vraiment bon moment devant. Et aussi, je me permets de faire une parenthèse avant qu'on passe sur la BO. Les gens qui cherchent à la décrypter comme quoi il y a une analyse sur le deuil, non. Enfin, non, non, l'analyse ne tient pas, donc il faut peut-être pas pousser trop loin. Mais bon, et donc sur la BO de la série, bah malheureusement, j'en parlais rapidement hors antenne, on arrive dans la période où Marvel a de super BO. Je pense à l'épisode d'après où il y en a une que j'aime beaucoup. Mais bah, sur cette sélection, on est quand même un peu pauvre dans la BO. C'est globalement des compositions assez fonctionnelles qui sont pas non plus incroyables. Et bah, je vais tout simplement diffuser, je pense, un extrait du générique de WandaVision qui est plutôt sympa, ou peut-être du main theme. Je verrai, mais on vous diffusera un extrait de la BO de WandaVision. Melvin, sur la VF de WandaVision, est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce qu'on reste sur du classique comme ce qu'on a pu voir jusque-là ? C'est toujours les mêmes voix, elles ne changent pas d'un film à l'autre, et comme on n'a pas énormément de nouveaux personnages, je vais pas m'éterniser là-dessus. Parce qu'on a toujours donc Charlotte Correa sur Elisabeth Olsen ou Georges Caudron sur Paul Bettany. Voilà. Est-ce que tu sais si c'est le même doubleur qui fait Evan Peters chez Marvel quand il était chez X-Men aussi ? De mémoire, j'aurais dit oui. Maintenant, il faut que je vérifie. Tu trouves, Melvin ? C'est pas du tout le même. Voilà. Ça, c'est professionnel, ça. Ok, super. Donc, on a terminé sur WandaVision et Marvel continue son chemin sur le petit écran en nous proposant cette fois-ci une série sur des personnages un peu secondaires qu'on a vus jusque-là, le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Alors, qui souhaite commencer ? Monsieur Barnes, qu'est-ce qui vous irrite chez Sam ? 15 secondes avant largage ! Alors, c'est quoi le plan ? Hey. Génial. Les super-héros ne devraient pas exister. J'ai bien l'intention de finir ce que j'ai commencé. Le monde entier est en plein chaos. Par où on commence ? Bucky, j'ai un plan. Ah ouais ? Je peux savoir ? Toujours les mêmes, hein. You've been grinding hard on the job. Can't take that from us. Are you ready? Is you ready? Ready? You say you ready? Whole squad ready. Ready? Is you ready? Are you ready? Ready? Is you ready? Tu t'es fait éclater par une collégienne. voyez, c'était pas si difficile. Are you ready? Is you ready? Une seconde. You ready? À quoi vous jouez? À celui qui baissera les yeux le premier? Are you ready? Ready? Is you ready? Clignez. Clignez des yeux. Consternant. Non, mais quel âge vous avez? Donc, Le Faucon et le Soldat d'Hiver, diffusé à partir de mars 2021, juste après WandaVision, donc. Cette fois-ci, une série plus courte, 6 épisodes, qui sont globalement autour de l'heure, entre 50 minutes et 1 heure, réalisée par Kari Skogland, qui avant avait fait Children of the Corn 6. On démarre où on peut. Écrit par Malcolm Spellman, qui sera bientôt à l'œuvre sur Captain America 3, et par Derek Kolstad, et ça c'est pour Roman, puisque c'est un des scénaristes. Roman, qu'a écrit Derek Kolstad, est-ce que tu sais? Derek Kolstad, c'est... Si je me suis pas chié dans mes fiches... Oula. C'est John Wick. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai. John Wick 1, 2, 3 et Nobody. À la musique, on a Henry Jackman. Nobody. Évidemment. À la musique, on a Henry Jackman qui était déjà à l'œuvre sur les Captain America précédents. On a un budget total de 150 millions de dollars, ce qui est un peu plus que WandaVision. Au casting, on retrouve Sebastian Stan, qui est un acteur que moi j'aime toujours beaucoup. Anthony Mackie, mais également Wyatt Russell, qui est donc le fils de Kurt Russell, et il n'a pas besoin de faire de test ADN, ainsi que Daniel Brühl, qui est un acteur que je pense tout le monde a déjà vu au moins une fois quelque part. Il faut savoir que la réception de cette série a été un peu moins bonne que WandaVision, mais toujours vraiment positive. Et pour ce qui est de l'histoire, on va simplement suivre Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, le titre est bien choisi, suite à la disparition, on va dire, de Captain America après Endgame, et l'avènement de l'US Agent, qui est un Captain America plus ou moins fabriqué de seconde main, et qui vont essayer de stopper un trafic international. Enfin bref, Roman, il me semble que tu as un avis assez tranché sur cette série. Assez tranché, je dirais pas jusque-là, mais c'est une série... où je suis assez quand même sceptique dans le sens où c'est plus ou moins du Captain America 2 like, enfin Captain America 2 et 3 like, mais sans les frères Russo. À vous de voir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Melvin a fini de s'arracher les cheveux, là il s'arrache la peau du crâne. Là, c'est... Bientôt j'attaque le cerveau. il déteste les frères Russo. Dans le sens où ça vole pas très haut, quoi. Enfin, on va pas se mentir, Captain America 2 et 3, c'est assez basique. Le 2 est cool. Le 2 est cool, mais c'est du pseudo-film d'espionnage. Oui, mais je trouve que le 2 est quand même bien meilleur que le 1. Ah, bah oui. Non, je préfère le 1. Je reste sur... Je préfère le 1. Mais bon, après, quand tu regardes le 3 et que tu vois juste tu vois une douzaine de pélos taffés sur un tarmac vide, bon, bah ça fait un peu pitié. Mais. non, j'ai mais voilà. Ant-Man dans le 3. Oui, Ant-Man. Mais pareil, Spider-Man aussi. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce très. Est-ce que vous avez vu ce très vieux film qui s'appelle L'Empire contre-attaque? Frère, calme-toi. Oui. De très vieux film, vraiment. Non, mais c'est... Au global, bilan mitigé pour toi sur Faucon et Soldat de l'Hiver. Globalement, oui, même s'il y a quand même quelques petites fulgurances, notamment la scène du bouclier ensanglanté. Oui, ça, on s'en rappelle tous. Voilà. Mais globalement, j'ai vu des octogénaires avoir une bite moins molle que la série. Et toi, Melvin, sur Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, est-ce que t'es un peu plus enthousiaste? Ah bah oui, ça va aller très vite vu que je l'ai jamais fini. Donc voilà, c'est aussi série. J'ai voulu vous en parler plus entre vous parce que celle-là. C'est pas mon truc. Déjà, je suis pas fan des persos de base. Genre, le faucon, j'en ai jamais rien eu à faire. Et Bucky, encore moins. Donc, voilà. Vraiment, aucune attache à cette série et son histoire. Mais est-ce que tu as envie de la finir? Non. Sinon, je l'aurais fini. Voilà. Bon, c'est clair. Je vais vous rejoindre aussi en disant que au début, j'étais assez motivé. Je la trouvais plutôt sympa comme série. Mais moi, j'aime beaucoup Wyatt Russell. Je l'ai vu dans la série, je me suis dit, ah cool, j'aime bien cet acteur. Mais ouais, c'est un peu. Surtout, c'est la première, c'est la pr le premier truc du MCU où je vois la fonction qu'il a. En fait, c'est je vois que le film me dit Captain America n'est plus, on en a un nouveau, c'est le Faucon. Voilà. C'est 6 épisodes pour dire ça, c'est quand même un peu dommage, quoi. C'est beaucoup de films ou de séries auront le même syndrome. Et je trouve que là, c'est vraiment, vraiment cramé et vraiment un peu nul quand même. Enfin, ouais, enfin, si on est même en réalisation, c'est un peu timoré, on va dire. Et même le personnage du soldat d'hiver, que moi j'aime bien, je le trouve complètement en retrait. Même si j'aime bien son look un peu toujours emo avec les cheveux longs. Enfin, je sais pas, ça m'a toujours, il m'a toujours fait marrer avec celui-là. Mais donc voilà, et est-ce que éventuellement, Melvin, t'as vu quand même que le Faucon devient Captain America? Oui, mais évidemment. Il y a Captain America 4 qui a Est-ce été que. annoncé. C'est avec lui dedans. Est-ce que. Tu. Comment je pourrais formuler ça? Est-ce que quand même. Est-ce que au moins cette idée te. Est-ce que au moins cette idée te chauffe dans la série? Est-ce que au moins la série a servi à quelque chose en hypant un petit peu? Mais disons que c'est la suite logique, de toute façon, que lui devienne le Captain America avec les autres films qu'il y a eu avant. Mais je persiste à dire que ce personnage, j'en ai rien à faire. Il m'a jamais intéressé, donc j'ai un peu peur pour ce qu'il y a par la suite. J'espère vraiment qu'il aura un peu plus d'intérêt ou qu'ils en feront autre chose, parce que là, je suis un peu sceptique, on va dire. Même la blague de l'oncle Sam, ça t'a pas parlé? Non, mais tu sais, moi, les Américains, voilà. Et toi, Roman, quand même autour des personnages, hein, autour, je sais pas, de l'US Agent ou du Faucon qui devient Captain America, il y a quand même un peu de hype ou c'est déjà ou c'est des ou c'est déjà le où Alors, j'aime quand même plutôt bien le développement de l'US Agent qui juste essaye d'être à la tâche qu'on lui a assignée et qui galère et qui fait comme il peut. On dirait J.J. Abrams sur Star Wars 9. C'est pas un mauvais bourg en fait, Bah oui, c'est l'USAJ. Hein. ça. Dès le départ, c'est juste un gars qui essaye d'être dans les traces de son modèle. Et pour le coup, je trouve le développement assez intéressant. Et le fait de tuer le terroriste aussi après la mort de son collègue qui amène aussi du développement assez intéressant et qui est assez encore une fois plutôt bien amené surtout quand la série est sortie, on était moins d'un an après George Floyd. Donc voilà, le fait d'abuser de son pouvoir, ça a des échos avec la réalité aussi. Et pour le coup, US Agent, c'est sûrement le meilleur perso de la série. Et Oui. comme tu disais, le coup de la blague de l'oncle Sam. Oui, enfin, des sabots, écoute, des sabots, mais. Moi, il me fait marrer. Oui, moi aussi, elle m'a fait marrer, mais c'est des gros sabots. Oui, non, clairement. Bah, je te rejoins entièrement sur l'US Agent, que je trouve aussi être le personnage le plus intéressant parce que bah, ça fait quand même quelques films que Marvel bosse un peu plus ses méchants. On l'avait remarqué bah, avec les cris chez Captain Marvel, il y avait ce twist qui était assez intéressant. Et même, je trouve que même dans les prochains films, enfin, les prochaines séries, on pourra voir ça. Après, ce que je reproche, c'est que mis à part l'US Agent, que je trouve vraiment cool et presque attachant en fait, parce qu'il a ce côté des illusions. Que je trouve assez poignant, voyons, assez bien vu, on va dire. Bah, le problème, c'est qu'il n'est pas exploité. C'est-à-dire que si au début, il a en effet ce côté, je veux suivre mon modèle, mais ça ne marche pas, au bout de la moitié, trois quarts de la série, bah, il devient tout simplement juste le méchant. Et je trouve ça dommage de tomber dans cette facilité de juste le présenter comme le méchant. Et même à la fin, il se fait recruter par. J'arrive, je retiens jamais le nom de ce personnage, la blonde, dont on devine qu'ils vont monter l'équipe a priori des Thunderbolts, vu que ça a été annoncé. Mais je trouve que c'est vraiment la série tombe dans une facilité d'écriture que je trouve vraiment, vraiment dommage. Et bah, pour le coup, je pense que la série avait peut-être été un peu plus longue et mieux réalisée aussi. Peut-être que ça aurait permis d'avoir une ambiguïté un peu plus présente vis-à-vis de ce personnage, mais voilà, en tout cas, c'est ce que je retire de la série, un gros gâchis, surtout au niveau de l'US Agent. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Que c'est triste de voir Daniel Brühl là-dedans. Voilà. Ah, il danse. C'est vrai. Et quand il danse, on est beaucoup plus beaucoup plus gentil. C'est vrai. Attends, on n'a pas parlé de Daniel Brühl, mais est-ce que quelqu'un veut réagir à ce Zemo de l'enfer? Non, ça ira. J'ai déjà entendu le cerveau, je vais pas continuer. Ça, Roman, un mot à dire? Ça ira aussi, même si il est beaucoup moins dans la continuité de ce qu'il était dans Civil War. Surtout dans Civil War, c'était un peu sorti du chapeau quand même. C'était « Ah oui, en fait, c'est moi ». C'est ça. Bah après, Civil War, il y avait une utilité à montrer les conséquences des actions des Avengers sur les rescapés de la Sécurité, tout ça. Civil War, on en avait parlé, c'est-à-dire le prémisse est prometteur, mais le film va complètement se gaufrer en tombant dans une... Dans dans une facilité où il va se centrer uniquement sur à nouveau 12 pélos qui se battent dans un aéroport. Quoi. C'est, il va jamais pousser ses questionnements vraiment plus loin que ça. Le truc, c'est que surtout l'utilité de Zemo, c'était déjà l'utilité des Maximoff dans Age of Ultron. Putain, oui. Merde. Hey, Melvin, t'entends ça? C'est pour ton Avengers préféré? Ouais. Je sais. la balle perdue que tu acceptes. Non, bon. Faucon Soldat de l'Hiver, pour l'instant, on est d'accord qu'elle est en dessous de WandaVision. Oui. Oui. Melvin, tu me concèdes ça quand même? Oui. Bon, c'est déjà ça. Ok, super. Est-ce qu'on est tous en scène qu'on a préférée? Est-ce qu'on est tous sur la scène du terroriste éclaté au bouclier? Oui. Melvin, si t'es allé jusque-là? Oui. Mais je l'ai vu, de toute façon, cette scène, elle a fait le tour quand même, donc oui, je vais dire oui. Ok, bon, au moins on est cohérent, on est tous sur cette scène-là. Sur la BO, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que Henry Jackman, ça peut être un très bon compositeur, pas là. C'est-à-dire là, globalement, il repompe un petit peu Captain America 3, ce qui n'est pas forcément sa meilleure partition. Je mettrai à nouveau, je pense, un extrait du main theme. Mais voilà, à l'image de la série, pas très mémorable. Melvin, sur la VF, notamment sur celle de Wyatt Russell. Je me demande qui pour doubler le fils de Kurt Russell. Alors, c'est quelqu'un qui est assez inconnu, je ne sais pas s'il débute. Donc, je retrouve son nom. En attendant, Daniel Brühl, doué par Damien Witeka, qui est le doubleur de Leonardo DiCaprio, principalement. Et ça fait le taf. Et de Tobey Maguire sur la trilogie de Sam Raimi, enfin, et dans le reste d'ailleurs. Et bah, quasi partout. Let's go! Et donc, Wyatt Russell, c'est Mario Bastelica. Voilà. Et je pourrais pas t'en dire plus. Je sais pas vraiment ce qu'il a fait d'autre. Il dit. En tout cas, j'allais dire, Wyatt Russell, c'est vraiment un acteur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui a notamment joué dans l'excellent, et je pèse mes mots, Overland. Super, c'est trop bien. Et donc, Overland, ça tue. Et donc, est-ce qu'on passerait pas au premier film de. Non, on a d'abord à nouveau une série supplémentaire et il me semble que c'est Melvin qui nous en parle. Allez, donc sorti en fin juin, Loki. Je sais quel est cet endroit. Les gardiens du temps sont les rois du cirque. Et les clowns y jouent leur rôle à la perfection. Des métaphores en pagaille, c'est magnifique. Ça vous donne l'air encore plus malin. Je suis malin. Oui, je sais. Ok. Ok. Signez pour valider tout ce que vous avez dit dans votre vie. C'est absurde! Y compris ça. des joues la fluidité du temps. En ramassant le Tesseract, vous avez altéré la réalité. Je veux que vous nous aidiez à y remédier. Pourquoi moi ? Il se trouve que le point de vue de Loki est inimitable. J'aurais une arme ? Non. Vous croyez vraiment en ce variant Loki ? Fort heureusement, il croit assez en lui-même pour nous deux. Au revoir. Je suis très touché que vous sembliez vous imaginer pouvoir me manipuler. J'ai 10 longueurs d'avance sur vous. La confiance n'est pas votre point fort, n'est-ce pas ? Vous pouvez me faire confiance. Loki, j'ai passé en revue le moindre moment de votre vie passée. Vous avez littéralement trahi vos semblables chaque fois que c'était possible. Je n'ai qu'à pas recommencer. Donc Loki, c'était créé par Michael Waldron, qui a travaillé sur quelques Marvel comme Doctor Strange 2, et également Rick et Morty, qui était stagiaire chez Adult Swim et qui après a été travaillé pleinement dessus. Donc on trouve au casting les classiques, j'ai envie de dire, avec Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, et quelques nouveaux comme Sofia Di Martino dans le rôle de Sylvie, ou Owen Wilson dans le rôle de Mobius. Et il se fait plaisir de voir Owen Wilson. Et lui se fait plaisir devant la caméra. Voilà. C'était donc écrit aussi également par Michael Waldron. À la réalisation, il y a Kate Herron qui n'a quasiment rien fait, comme beaucoup des projets qui vont venir de Marvel. Ils n'ont pas fait grand-chose. Je ne sais pas d'où sortent le réalisateur et réalisatrice. On prend les meilleurs, on prend les meilleurs. Et donc, c'est la suite directe des événements de Endgame où Loki se téléporte avec le Tesseract. Et comme il voyage un peu dans, on ne sait pas trop comment, il se retrouve à la TVA. Donc le tribunal des variations anachroniques. Et, et donc on suit ses péripéties là-dedans, où il va essayer de s'en sortir, en fait, tout simplement. Et alors, pour ma part, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Pour le coup, je l'avais suivie en direct, semaine après semaine, et c'est très rare que j'arrive au bout. Et non, j'avais beaucoup, beaucoup aimé, malgré quelques épisodes un peu mous au milieu, surtout un. Et je trouvais ça assez original en termes d'univers. On voyait vraiment autre chose que toujours la même chose. Et donc c'était vraiment sympa. Et quelques bonnes idées. Et notamment la fin, qui est quand même un gros point du MCU, je pense, pour la suite. Super. Toi, Roman, sur Loki, quel est ton avis ? Alors pour le coup, Loki, bah pareil, je l'avais suivi semaine après semaine, et bon kiff Loki, franchement. Loki, c'est je pense la série Marvel que je préfère pour l'instant. On est deux. Parce que celle dont je parlerai, c'est différent encore. C'est série d'anthologie, c'est encore autre chose. Mais ouais, Loki, je l'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et en fait, tu parlais de Elizabeth Olsen porn sur WandaVision. Là, c'est vraiment du Tom Hiddleston porn. Et tu vois qu'il... Enfin, c'est génial, quoi. Tu vois qu'il kiffe, en plus, faire ce qu'il fait. Et c'est cool. C'est juste cool. Du Tom Hiddleston porn saupoudré de Owen Wilson, parfait. Je vais être un peu le rabat-joie et dire au début je voulais en fait j'aime beaucoup le début, j'aime beaucoup la fin. Ouais, c'est le milieu. Le problème c'est qu'entre les deux il y a trois épisodes quoi, genre pour moi il y a c'est réel en six épisodes si je dis pas de bêtises. Et les épisodes 3-4, pour moi, c'était dur. Je pense que Sylvie est un des personnages les plus inutiles du MCU, honnêtement. En termes de personnages inutiles, on en a plein, hein, mais un personnage mis en avant qui est aussi inutile qu'elle, j'avoue que j'en ai pas beaucoup en tête. Et quelque chose qui me rend un peu triste, c'est que la série va jamais vraiment au bout de son concept, c'est-à-dire que on te vend voyage entre les dimensions, voyage entre les univers. Pas de souci. Tom Hiddleston s'éclate, ça se voit, mais en général, il est super dans le rôle de Loki. Enfin, c'est pas vraiment le Loki des comics, et tu peux te poser des questions avec le fait que c'est le Loki d'Avengers 1. Donc pourquoi non, est-ce qu'il ressemble vachement au Loki de Endgame? Jamais de la vie. C'est le gros point faible du truc, c'est que c'est pas le bon Loki. Oui, c'est pas le bon Loki, mais après, ça, à la limite, je suis prêt à fermer les yeux et à me dire, bon, allez, on accepte, il a évolué. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, mis à part Tom Hiddleston qui s'éclate et Owen Wilson, qu'on est toujours content de voir, bah, c'est un peu le même reproche que je pourrais faire à Doctor Strange 2, c'est-à-dire que voyage entre les univers, oui, mais montre-les-moi les univers, vends-moi un peu du rêve. Là, globalement, il va sur 3 planètes, c'est des cailloux, c'est terminé. Donc, un peu dommage. Après, ça permet d'explorer un peu le personnage de Loki, mais ce que je trouve dommage, c'est que sa relation avec Sylvie, moi, j'aurais bien aimé une espèce de dualité, vraiment plus une pseudo-rivalité qu'une romance. Là, le fait d'en faire une romance, je trouve que ça gâche un peu le côté pas sale con, mais très difficile à cerner du personnage. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Dans le sens où... pas tellement dans le sens où il a une romance littéralement avec lui-même. Oui, ça c'est vrai que ça c'est marrant, ça je dis pas. Moi, ma fille, j'aurais préféré une romance avec le crocodile. Oui, avec lui-même, mais justement, c'est-à-dire le fait d'avoir une romance avec lui-même fait que il aurait pu quand même chercher une rivalité entre justement savoir lequel des deux variants est le plus malin pour finalement se rendre compte qu'il n'y en a aucun. Mais là, c'est expédié en 30 minutes au final, sur 6 épisodes. C'est ça qui est un peu dommage. Mais j'ai envie de demander, Melvin, toi qui as reproché à WandaVision d'avoir une fin classique, que penses-tu des deux derniers épisodes de Loki, quand ils sont dans la dimension avec tous les autres variants? Alors, il y a un côté très classique, mais ça introduit un nouveau personnage très important. Donc, le crocodile. Voilà, exactement. Et en vrai, dans les deux derniers épisodes, il y a quand même des trucs vraiment sympas. Tu peux spoiler comme apport, hein. Tu peux spoiler. Et des trucs vraiment sympas, comme tous les variants de Loki. Et notamment cette scène de je ne sais plus comment il s'appelle, le Loki qui est vieux. Hein. Il a été nommé Old Man Loki. Ouais, donc voilà, donc le Loki qui est vieux. Et là, même l'apparition de celui qui demeure et non pas Kang, c'est quand même un gros morceau. Alors que dans Wanda, la fin, c'est pas un gros morceau. Sur ces trop classiques là, au moins on a du changement un peu. Et c'est l'avantage aussi de la série Loki, je trouve, par rapport au Faucon Soldat d'Hiver ou à WandaVision, c'est qu'on a des nouveaux personnages. Il y a Loki, et après, tout est nouveau. Et donc, ça met un peu... Ça motive à regarder pour découvrir quelque chose de nouveau, alors que les deux autres, on connaissait déjà les personnages, donc voilà. Ouais, t'as au moins que découvrir ce qui se passe, et je te rejoins sur la nouveauté, mais vous, tiens, Roman, pour démarrer, vous avez été convaincu par le Kang, j'ai envie de l'appeler le Kang Will Smith à moitié, vu qu'il chante et il danse, mais vous avez été convaincu? Dans le sens où je vois pas trop le Kang des comics. Après, ça fait longtemps que Marvel est plus... le Loki de Marvel n'a jamais été le Loki des comics. En termes de fidélité, ils se sont élevés. Oui, mais après, pour le coup, moi, je suis de ceux qui disent... La fidélité par rapport au support de base, on s'en tartine allègrement les aisselles. Si le résultat est bien, oui, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. Voilà, et donc convaincu dans le sens où on t'introduit un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu avant et qui se contente d'être mystérieux et de faire l'exposition pour ceux qui connaissent les comics, c'est convaincant. Après... Ouais, mais tu vois, je Kang, trouve qu'il... Et celui qui demeure. C'est totalement Kang. C'est totalement Kang. Il dit que non. Il dit « Je ne suis pas Kang ». Il dit « Je ne suis pas Kang ». Et oui, il est celui qui demeure. Il est un variant. Comment il s'appelle l'autre variant, Imperator ou quelque chose comme ça, qui a un nom un peu claquant, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le requin. Qui lui est un méchant dans les... C'est le Conquérant. Oui, c'est Kang. Bah, Kang le Conquérant, c'est une variante de celui-là. Oui, oui, c'est un variant de Kang. Il a un troisième variant, qui s'appelle, je crois, Imperator ou quelque chose. Attends, qui a un nom, en fait, comme ça. Et justement, qui, lui, dans les comics, déjà est un méchant. Parce qu'en fait, Kang, j'ai appris, n'est pas foncièrement un méchant dans les comics. Il a des subtilités. Après, j'avoue que c'est un peu... Ouais, c'est Imperator. Enfin, il a bien l'air de... Ça... Alors non, pas Imperator. Bref, je sais qu'il y a un troisième variant, normalement. Mais Kang, dans les comics, normalement, n'est pas foncièrement un méchant. En tout cas, pas entièrement. Et j'ai donné mon avis sur Melvin. Sylvie, ça t'aime plus convaincu que moi. Alors, elle sert à rien. Merci. Mais elle a un côté attachant, quand même. Je trouve. Et elle est, que c'est quand même une femme forte, c'est sympa. Mais après, effectivement, non, elle ne sert à rien. Elle est là pour faire... Tu dis ça parce que tu préfères les blondes aux rousses. Non, je suis plutôt brune en plus, alors. Malheureusement. non, après, elle est là pour donner du dialogue, quoi. C'est que ça. Mais son personnage reste sympa. Et je pense que si on la revoit, il y a moyen de faire quelque chose avec. Et toi, Romain ? Bah, moi, le personnage de Sylvie, j'étais globalement convaincu. Ça aurait pu être mieux exploité, mais. Mais de ce qu'on a vu, c'était quand même pas mal. Voilà. Après, oui, ça vole pas super haut, mais c'est toujours ça. Et franchement, ça va. Après, je me demande dans quelle mesure est-ce que le problème de ce personnage, c'est pas qu'elle a Tom Hiddleston à côté d'elle et que comme lui, on a l'habitude de le voir dans ce rôle et qu'il est fait pour ça, bah, c'est juste qu'elle ne fait pas le poids, en fait, par rapport à lui, en tout cas. Oui, mais mine de rien, pour voir qu'on l'a jamais découvert avant par rapport à Tom Hiddleston, elle a quand même on la retient, quoi. Elle fait le taf. Elle n'est pas oubliable. Voilà, c'est ça. C'est vrai, je vous le donne, mais à nouveau, moi, je préfère le crocodile, même si je suis sûr que ça doit exister. Encore mieux, la grenouille. Parce que, pour la petite anecdote, elle fait un croissement, et ça va te plaire, Quentin. La Srog, du coup, fait un croissement, et ce croissement, il vient de Chris Hemsworth. Ouais. Et ça, c'est incroyable. C'est que ça me sort, c'est trop dur. Tu voulais juste. Non, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il fait, voilà, là, pour le bruit de la grenouille. T'as réussi à placer Chris dans l'épisode, je ne peux que m'incliner. Yes. Non, mais après, pour le coup, c'est vrai que enfin, moi, globalement, ce que je retire de la série et ce qui, je pense, est important, en tout cas, c'est globalement les deux derniers épisodes dans la dimension. La dimension violette, l'enfer. C'est dans Loki, c'est pas dans What If, qu'il y a un moment, on voit sous terre et il y a une grenouille dans un petit pot. Mais c'est là, Srog. C'est Srog, justement. Ah, merde. Ok, bref, merci. Roman, qu'est-ce que tu retiens de cette série ? Un aspect, un épisode, une scène en particulier ? Je retiens surtout les décors du TVA. Qui est en fait toutes les scènes avec Owen Wilson, qui est génial, il s'éclate, et c'est ça que je veux voir. Enfin, c'est une des raisons qui font que j'adore, par exemple, Thor Ragnarok, c'est que tu sens que Kate Blanchett s'éclate. Ça, c'est parce que t'es amoureux de Jeff Goldblum. Ça. Faut pas le dire. Mais voilà, quand tu sens que les mecs s'éclatent. Moi, ça me fait kiffer de voir ça, donc forcément, quand je vois Owen Wilson ou Tom Hiddleston dans la série, moi, je suis content. Et pareil, tout le coup de Miss Minute, là, cette horloge putain, parlante. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Miss Minute. Bah, après, pour le coup, je vais juste revenir sur Miss Minute, ça m'a fait penser. Le fait que la série soit renouvelée peut lui permettre d'aller plus loin dans son concept à la prochaine saison, ce qui peut être pas mal. Et toi, Melvin, un aspect que tu retiens ? De la série, un aspect en particulier ? Pareil, Miss Minute, Owen Wilson, j'aime beaucoup tout le début, où on découvre le TVA. Je trouve que les décors sont vraiment sympas. Et en fait, globalement, la plupart des personnages, genre tous les Loki, ça me fait beaucoup rire aussi. Donc, au final, il n'y a pas tant que ça, mais c'est des idées sympas. Et donc, en fait, je veux dire, les personnages en général. Je suis content d'avoir des nouveaux personnages et qui m'intéressent. Voilà. Super, parce qu'en plus, vous me laissez, moi, ma scène vraiment préférée, qui est la scène où le Old Man Loki, donc, va plus générer un Asgard géant. Oui. Oh oui, cette scène. Ouais, moi, c'est vraiment la scène que j'aime le plus. C'est-à-dire que c'est épique, ça fonctionne, il y a de l'émotion. Enfin, c'est vraiment une scène où j'étais impliqué dans le personnage et j'étais même un peu comme WandaVision, j'étais un peu triste de le voir, bon, spoiler, mais de le voir mourir. Je sais plus comment s'appelle la grosse bestiole de nuage là de. Ouais, le nuage. Qui le termine parce que pour le coup, moi vraiment, quand j'étais vraiment. Enfin, celui qui demeure, je trouve que j'étais vraiment pas convaincu, mais cette scène-là m'a fait me dire que non, il y avait quelque chose et surtout. Là, à ce moment-là, le Loki, donc celui qu'on connaît, qui réagit en se demandant s'il peut faire ça, me laisse espérer qu'un jour, on aura un Loki vraiment puissant dans le MCU et qui n'est pas juste un clown, qu'on aime beaucoup, mais un clown. Super, sur la BO de Loki, et ben là aussi, c'est super cool, parce que la BO de Loki, bah elle est bien. C'est-à-dire, vraiment, elle a ce mélange un peu symphonique et électronique qui fonctionne plutôt bien, qu'on avait déjà vu sur Captain Marvel. Ici, je pense qu'à nouveau, je mettrai un extrait du thème principal, mais vraiment, la BO est plutôt agréable à écouter. Et voilà, on diffuse tout simplement un extrait du thème principal. VF, là, pour le coup, t'as tous les personnages à dire, donc dis-nous tout. Mais j'ai gardé les deux grands nouveaux. Donc, on a sur Owen Wilson, c'est Eric Legrand. Il double Owen Wilson dans quasi tous ses films, notamment chez Wes Anderson, et qui est un doubleur qui a beaucoup travaillé sur les Dragon Ball Z avec des personnages différents à chaque fois, mais il les a quasi tous faits, les films d'animation. Donc, c'est quelqu'un qui a tout mon respect. Voilà. Et sur Sylvie, donc c'est Laura Prejean, qui est une des voix récurrentes de Kristen Bell ou Rachel Weisz, ou Drew Barrymore. Beaucoup de femmes, de quand même une certaine constante, une femme forte. Et voilà. Drew Barrymore en femme forte, tu penses à Charlie's Angel ? Oui, bien sûr. En tenue de pilote. Oh, précisément. Putain. Moi, je pense à E.T. Quelle horreur. Moi, je pense à E.T. Donc, oui, non, mais on va pas faire toute sa carrière, surtout qu'il n'y a pas forcément que du bon. Mais bref, merci beaucoup. Et Melvin, il me semble que c'est toi qui continue avec le prochain... le prochain, le fameux... Ah, quel enfer, ce truc. Je te laisse nous en parler. On attendait tous. Black Widow, sorti en juillet 2021. Vous ne savez pas tout de moi. J'ai vécu des tas de vies. Avant d'être une Avenger. Avant d'avoir cette famille. J'ai accumulé les erreurs. En choisissant entre ce que le monde attend de nous. Et ce que nous sommes. Il faut qu'on retourne là où tout a commencé. Et où tu crois que j'étais pendant tout ce temps? On a un travail à terminer. Vous êtes des durs. Vous êtes les filles les plus dures au monde. Excuse-moi, chérie. Nous avons suivi les ordres et nous avons joué notre rôle. C'était pas réel. C'était réel pour moi. Moi, t'étais comme un vieux. À toi de jouer. Au boulot. Mets ta ceinture. Oui, maman. chose est sûre. Je ne fuirai plus mon passé. Black Widow qui sort en 2021, en plein été, réalisé par Kate Shortland qui n'a pas fait grand chose avant, mais il fallait mettre une réalisatrice, donc ils ont mis une réalisatrice. À la photo, c'est Gabriel Beristain qui a fait les Blade 2 et 3 notamment. Je sais que Blade 2 va parler à Corentin. Quel plaisir! Et à la musique, on a Lorne Balfe, dont on a parlé à l'épisode précédent, et non pas Baffle, Corentin, soyons clairs. C'est un projet qui existe depuis très longtemps, depuis 2004, pour faire un film sur la Veuve Noire, et qui a été très vite abandonné et qui a été repris tout au long du MCU. Ils se sont dit, et si on faisait un film Black Widow? Et finalement, ils n'ont pas voulu, ils ont laissé ça en personnage évoluer. En 2014, l'idée est revenue, qui est encore finalement été abandonnée, jusqu'à ce qu'elle meure et qu'on se dise, ça ne serait pas le moment de faire un film maintenant qu'on ne peut plus la mettre dans le MCU. Donc voilà, sort Black Widow, avec au casting Scarlett Johansson dans le rôle principal, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz ou Olga Kurylenko. Et ça raconte l'histoire de la Veuve Noire entre Captain America Civil War et juste après. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça raconte pas grand-chose, en fait. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que tu as mis le point sur le problème du film, qui est que ça raconte une histoire dont tout le monde se fout. Donc on sait ce qui se passe après, et on sait également ce qui se passe avant. Donc il n'y a aucun suspense. C'est un mid-quel, mais contrairement à Captain Marvel, qui avait au moins le mérite d'introduire un personnage, là, honnêtement, à quoi sert ce film? Je pose la question, si quelqu'un a une réponse éventuelle, je suis preneur. Mais on est méchant, peut-être que... Peut-être que Roman, la lumière, a peut-être un avis plus éclairé et plus sympathique que nous vis-à-vis de ce film. Non, écoute, c'était à revoir. Il y a Florence Pugh. Et David Harbour avec un accent russe. Et une combinaison en latex. Florence Pugh a aussi... Et une combinaison en latex, exact. Mais Florence Pugh a aussi un accent russe. Et on n'est pas dans du House of Gucci, mais pas loin, tu vois. C'est... Avec ce fameux running gag de David Harbour, de sa combinaison qui est trop petite. Oh, c'est tellement gênant. Et le running gag de l'atterrissage poseur de Black Widow. Ils le font trois fois, non? Ils le font trois fois, ce truc. Ouais, trois ou quatre fois. Trois fois de trop, de toute façon. Ce qui est marrant, c'est que dès la première, c'était pas drôle. Et non, le film... Non, mais après... Il est mal écrit, on s'intéresse à rien. Les personnages, c'est des blagues ambulantes. C'est insupportable. C'est très moche. C'est le casting est sympathique. Moi, j'aime bien les acteurs et actrices. Tu dis ça parce qu'il y a Rachel Weisz, c'est tout. Non, mais Rachel Weisz, moi, je l'aime vraiment beaucoup depuis Agora, le sacro-saint Agora. David Harbour, il a fait Stranger Things et Hellboy. Mais je sais pas, c'est un acteur que je trouve sympathique, j'aime bien le voir à l'écran. Florence Pugh, je fais pas partie des adorateurs de Florence Pugh, mais je reconnais qu'elle a un charme, même si son accent, c'est absolument pas possible. Et Scarlett Johansson, c'est quand même quelqu'un que j'aime bien. Moi, au global, j'étais content du casting. Après, le reste... Non, mais Olga Kurylenko, j'aime beaucoup Olga Kurylenko aussi. Malgré ses choix de carrière... Je crois que c'est un des pires méchants aussi. Le Taskmaster, qui est quand même ultra stylé dans les comics, il est réduit à rien là-dedans. C'est rien du tout, je me bats. Et voilà. Roman, t'as un avis sur le Taskmaster? À part faire des échos avec les précédents films, genre comment se bat Black Panther, des trucs comme ça, déjà, il y a une scène. Tu vois Taskmaster voir des images du combat sur le tarmac d'aéroport de Civil War, tu te dis comment il a eu ces putains d'images, c'est un plan zénital, c'est vraiment la scène du film du combat entre Hawkeye et Black Panther. Peut-être qu'il a vu le film. C'est ça, mais qu'est-ce que tu fous? Et vous parlez du casting, mais moi, est-ce que vous savez qui joue Black Widow enfant? Oui. Non, vas-y. C'est la fille de Paul W.S. Anderson et Mila Jovovich. Non. Si. Ever. On va chercher les meilleurs, toujours. Putain, mais non. Si, si. Mais quel enfer. Non, pour le coup, moi, en fait, je me rappelle Black Widow, pour la petite anecdote. J'étais allé le voir au cinéma avec deux amis qui se reconnaîtront peut-être. Il faut savoir que l'un d'eux n'aime absolument pas le MCU. Et moi, je m'étais dit, allez, à l'époque, j'avais pas encore vu WandaVision et le Faucon et le Soldat d'Hiver. Donc, tu sais, à l'époque, moi, j'étais pas encore au courant que la qualité, elle avait déjà chuté un petit peu. Et je m'étais juste dit, allez, on sort de Endgame, c'est le début de la phase 4, let's go, on y va, on voit ce qu'ils nous proposent. J'avais pas vu les bandes annonces ou quoi, hein. Moi, vraiment, je savais pas. Et en plus, je m'étais dit, les gars, Rachel Weisz, Florence Pugh, Scarlett Johansson, Olga Kurylenko, mais on est parti, visuellement, on va passer un bon moment, en tout cas. Et donc, l'un de ses deux amis, donc celui qui est absolument pas fan du MCU, est venu, mais à une condition, c'est-à-dire que il est venu on va dire qu'il n'y avait pas que du sang dans ses veines. On va dans la salle, et... Faut se dire, on était en IMAX, 4DX, Black Widow. Et il y a eu cette scène où Scarlett Johansson saute par la fenêtre. Ça m'a fait penser à Resident Evil 4 et j'ai compris que je passais un moins bon moment devant Resident Evil 4. C'est là que j'ai compris que j'ai passé un point de non-retour. Et non, mais quel enfer. C'est-à-dire, c'était très long. Je ne sais pas s'il y a la durée du film sous les yeux, mais le film, dans mes souvenirs, il fait plus de 2 heures. Oui. C'est très très long. Voilà, très très long. Il y a quand même ce plan absolument lunaire qui est un zoom sur, disons les termes, le boule de Scarlett Johansson moulé dans du latex qui marche. C'est un jogging. Oui, alors tu m'excuseras. C'est réalisé par une femme, donc c'est. Oui, c'est réalisé par une femme, donc ça va. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et bon, je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que la vie. Mais comment dire, c'est quand même compliqué de voir ce genre de film et de se dire, voilà quoi. Et surtout, tu le termines, tu te dis, normalement, chaque MCU, même Iron Man 2, même Thor 2, je me dis, c'est pas bien, mais au moins, c'est une pierre supplémentaire posée à l'édifice d'un truc plus grand. Thor 2, t'as au moins l'introduction de. Je sais plus quelle pierre, je crois que c'est la pierre de la réalité. Ouais, c'est l'éther, ça. Ouais. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a... Voilà. Iron Man 2, t'as au moins à nouveau la suite de l'histoire de son personnage et dans mes souvenirs, la scène post-crédit d'Iron Man 2 servait à quelque chose. J'avoue, je m'en rappelle vraiment pas. Là, t'as mais, la scène post-crédit, là, à la limite. Mais elle sert à rien. Elle introduit Thor, je crois. Elle introduit Thor, la scène post-générique d'Iron Man 2. Non, elle introduit Thor, mais voilà. Oui, bien vu, elle introduit Thor. Donc au moins, t'attendais de voir quelque chose. Là, c'est Florence Pugh qui fait... Florence Pugh est très agréable, évidemment. Mais bon, enfin, son accent, c'est pas possible, quoi, sans déconner. C'est Jared Leto dans House of Gucci. C'est genre, pa, tu vois. C'est pareil, mais en russe, tu vois. Enfin, on peut se moquer de Rooker dans Iron Man 2. Là, elle est pas mieux. Hein. Et, Est-ce que c'est pire que Brad Pitt dans Inglourious Basterds? Non, parce que moi, dans Inglourious Basterds, Brad Pitt a une très belle moustache pour compenser. Ou au moins, c'est un bon film. Oui. On n'est pas forcément d'accord, mais non, c'est pas mauvais. Mais c'est-à-dire que la scène post-crédit, à quoi sert cette scène post-crédit? Déjà, c'est-à-dire que Black Widow, le film est réduit à sa scène post-crédit, ce qui déjà est quand même un peu minable. Et à quoi sert la scène post-crédit? Elle sert à introduire la série d'après, qui elle-même ne sert à rien, à part d'introduire un nouveau personnage qui est, je pense, encore pire. Donc littéralement, c'est quand même la misère. Surtout ce film, enfin... On a tous cru voir un film sur les origines de Black Widow, on est d'accord. Genre comment elle est devenue la super espionne. Oh. Non, parce que ça, on le savait déjà. C'était dit dans je sais plus quel Avengers, qu'elle était dans une espèce d'orphelinat, je sais pas quoi, et en fait on avait déjà plus ou moins toutes les clés. Donc oui, ils auraient pu faire un film pour détailler, mais on savait déjà plus ou moins, quoi. Avengers 2 avec la fameuse scène de « Je suis un monstre car je suis stérile », on s'en rappelle. Cringe sur 10. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le potentiel du film est pété dans ces 10 premières minutes. Les 10 premières minutes, c'est un générique sur une reprise de Nirvana. Ça, c'est toujours cool. Qui est la meilleure scène du film. Oui, ah oui, non, c'est concrètement la meilleure scène du film. Mais le film va... Oui, voilà, va rater ça. Et surtout, et je suis curieux d'avoir vos avis là-dessus, c'est pour moi le premier film où je me suis dit que les effets spéciaux sont moches. Beaucoup de gens sont déjà à se dire ça depuis Endgame, mais c'est le premier où ça m'a vraiment sauté aux yeux que le film, en termes de travail de FX, il n'est pas terminé. Mais là, c'est un avis peut-être. La scène de fin où l'avion explose et qu'elle tombe. C'est atroce, cette scène. Atroce. Visuellement. Bah, c'est compliqué. Quoi. Et Roman ? Ah, ça pique. Cette scène-là en question, elle pique. Surtout, ça permet d'ouvrir le truc. Et on a eu quelques témoignages qui sont sortis récemment. Enfin, là, maintenant, Marvel, je veux dire, rien que sur 2021, on est à leur troisième projet. Et rien qu'avec cet épisode-là, on ne va pas finir l'année 2021. C'est quand même, enfin, ils sont quoi ? Ils sont à 7-8 projets en 2021. Là, en 2022, ils vont être à leur cinquième à nouveau. Ils sont quasiment à 5 projets par an, ça fait un tous les 2 mois. Les équipes ne peuvent pas suivre, ça a été confirmé. Je veux dire, il y a des gens qui ont dit que Marvel était le pire client en termes de CGI pour bosser. Et c'est pas terminé, c'est-à-dire ils n'ont pas le temps de bien construire leur truc. Et je pense que c'est ce film-là, parce que autant, je pense que WandaVision et Falcon s'étaient préparés, entre guillemets, un peu plus à l'avance. Je pense que ça devait être démarré autour de Infinity War Endgame pour pouvoir attaquer directement avec, entre guillemets, du lourd sur le petit écran. Mais là, Black Widow, en tout cas pour moi, c'est vraiment le début des Marvel où je me dis que le film n'est pas terminé. C'est-à-dire que l'écriture, elle n'est pas là. L'écriture, c'est à la ramasse. Ça t'introduit des personnages, mais au forceps, et ça le fait mal. C'est-à-dire le seul truc que je retiens des personnages, c'est le casting, mais juste parce que j'aime bien par défaut les acteurs. Toute l'histoire, c'est du vu, revu, encore revu. Ça rate tout ce que le film aurait pu être. Je ne sais pas quel est votre ressenti là-dessus, mais pour moi, ce film, c'est le début du long enfer que va constituer... Après, non, il y a des hauts et des bas. Il y a évidemment des trucs qui sont un peu mieux que d'autres quand, on va dire, des gens plus compétents sont derrière. Mais pour moi, celui-là, ça marque vraiment le tournant de une production qui... C'est même Thor 2, peut-être pas Thor 2 quand même. Mais même des films plus mineurs avaient au moins le mérite d'être extrêmement divertissants, je trouve. Là... J'ai même pas eu ça devant le film. Je sais pas, c'est Roman peut-être. C'était je crois la première fois que je suis sorti d'une salle de cinéma du MCU en me disant celui-là il passe pas. Je veux dire même genre, pour Captain Marvel c'est venu avec de la réflexion tu vois. Je suis pas sorti de la salle en me disant que ça passait pas. En plus il y a quelques trucs cool dans Captain Marvel. Mais là Black Widow. Aïe, mais pour le coup, ça doit être un des seuls, si ce n'est le seul, à me faire ça sur la phase 4. En tout cas, c'est celui, et surtout, les effets spéciaux ne sont pas terminés. Visuellement, le film ne tient plus. Et on parle quand même des gars qui ont fait l'armure d'Iron Man en 2008, et Melvin, on s'en rappelle et on en avait parlé. L'armure d'Iron Man, encore aujourd'hui, elle claque, quoi. Je veux dire, l'effet spécial de l'armure qui se met, ça défonce. Ah bah, aujourd'hui, ils font ça. Même des trucs mineurs comme Captain Marvel, c'était mieux fait. Hein. Et pourtant, c'était beaucoup dans l'espace. Alors que là, on a un truc beaucoup plus de terre à terre et ça arrive à être moche. Surtout Captain Marvel, tu avais au moins l'envie de proposer quelque chose. À nouveau, le film n'est pas terrible, mais moi, je l'ai à moitié, vraiment très petit, réhabilité parce que tu as quand même à nouveau le twist des méchants que moi, je trouve toujours plutôt pertinent. J'aime bien le personnage de Carol Danvers, mais... On va dire qu'au moins le film était pas fou, mais t'avais au moins une impression qu'il était terminé. Quoi. C'est terminé pas bien, mais terminé. Là, j'ai l'impression que le film, l'image de Florence Pugh dans le vide a beaucoup tourné, mais c'était pas fini, c'était pas bon. C'est quand même dramatiquement naze. Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter ou vous voulez encore rajouter, à finir de cracher sur Black Widow ? Bon, ça ira. Ça se suffit. Hein. Ça ira. Je vais terminer en disant un truc. J'ai dit que j'étais très fan d'Olga Kurylenko et c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'en allant voir le film, je m'étais dit, allez, on va la voir. Elle est où ? Alors, on la voit pas mal. Hein, elle joue Taskmaster, mais sans son masque, vous la voyez 5 secondes et elle est maquillée de façon vraiment dégueulasse. Elle est défigurée. Et également, à nouveau, comme sur WandaVision, les gens qui ont lu une interprétation comme quoi c'est une métaphore de Weinstein. Alors oui, le méchant, c'est un Weinstein caricaturé à mort. Mais faites un bon film pour en parler. À défaut, ce serait pas mal. Non. Black Widow, ça dégage. Est-ce que vous avez une autre scène préférée que le générique d'intro ? Le générique de fin, parce que c'est fini. Non, la scène, j'aime bien la scène d'intro, pour le coup. Avec l'avion. Je la trouve assez bien faite, celle-là. Bah oui, on voit David Harbour. Moi, j'aime beaucoup David Harbour, j'aime beaucoup Rachel Weisz. Et je trouve qu'entre les deux, il y a une alchimie qui est assez étonnante, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à cette scène dans Red Notice. Je sais pas si vous vous rappelez quand The Rock danse avec Gal Gadot. Je l'ai pas vu. Oui, je vois très bien. Bah, voilà, bah, typiquement, quand The Rock dansait avec Gal Gadot, j'avais un peu l'impression de voir un rhinocéros danser avec un caniche. si vous voyez le physique de David Harbour et de Rachel Weisz, il y a un peu ça, mais il y a au moins une alchimie entre les deux, je sais pas, c'est à peu près mignon. Et me dire qu'il y a la fille de Paul W.S. Anderson et de Mila Jovovich, la scène copiée avec Resident Evil, finalement, il y a peut-être une logique à trouver, un sujet à creuser, mais on ne va pas le faire maintenant. Et sur la BO du film, à votre avis, elle est bien ou elle est nulle ? Elle est aux F. Je m'en rappelle plus. Ah voilà. C'est... D'abord, vous avez tout résumé, parce que c'est mauvais, c'est du très classique. Je passerai un extrait, je pense, du thème principal, mais c'est vraiment nul. Je pourrais passer un extrait de la reprise de Nirvana, de la scène d'intro, mais bon, les droits d'auteur. Mais voilà, c'est vraiment... c'est nul, c'est dommage. C'est dommage parce que ce personnage a toujours été un peu malmené par le MCU, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, enfin sa scène de mort est très belle, mais bon, soyons honnêtes, elle a jamais été vraiment bien servie par les films. Et on se retrouve face à... Pas un film que je dis... Ouais, peut-être ce qui est pour un des personnages qui avait le plus de potentiel, elle se retrouve avec un des pires films, comme quoi... Les héros féminines sont pas toujours les mieux servies et c'est pas le trailer de She-Hulk qui me dira le contraire. Melvin, sur la VF du film, qu'est-ce que tu nous proposes ? Sur Florence Pugh, c'est Kelly Marrow, qui est la VF habituelle de Jennifer Lawrence, notamment, ou Dakota Fanning. Donc c'est, ils lui ont fait son accent en VF ? Non, de mémoire, elle n'a pas d'accent. Non, mais le MCU double pas souvent les accents. Hein. David Harbour, il ne l'a pas non plus. Et même sur Black Panther, ils n'avaient pas les accents. Ils n'avaient pas d'accent africain, en fait. Non, ils n'avaient pas énormément. Franchement, Jennifer, j'ai en tête la voix de Jennifer Lawrence qui fait un accent russe. Ils ont raté quelque chose. It was real to me. It was real to me. Hey. Non, mais attends. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que le personnage de Florence Pugh fait partie de cette longue brochette avec America Chavez et Bishop de personnages féminins nuls de la phase 4? Tous les nouveaux personnages de la phase 4, grosso modo. Hein. Enfin, tous ceux qu'ils essayent d'introduire. Ce Miss Marvel, je suis désolé, mais c'est pareil. Hein. Non, Miss Marvel, c'est Mina. Bah, j'ai une sympathie pour Oscar Isaac. J'ai pas dit Moon Knight, j'ai dit Oscar Isaac. Et je dois admettre que la fille... Bon, spoiler pour Thor 4. La fille de Gore, je sais pas, j'aime bien, elle a l'air cool. À voir ce qu'elle peut devenir, on la voit pas beaucoup, mais elle a l'air cool. C'est vrai. Ouais, mais pour comparer, si tu prends la fille de Scott Lang, bah je suis désolé, mais je la trouve beaucoup mieux, quoi. Bah, qu'on reverra dans Ant-Man 3. Ouais, et la voir Gambit avec le doudou, He's so ugly! I love it! Ouais, c'est génial. Non, franchement, moi, jamais. Mais... Enfin, après, je pense que globalement, Paul Rudd a dû la coacher, c'est pas possible, parce qu'elle fait les mêmes blagues que lui, donc c'est parfait. C'est absolument parfait. Et vas-y, Melvin, on t'a interrompu, mais qu'on continue donc sur les doubleurs. Sur David Harbour, peut-être ? C'est Gilles Morvan, je ne sais pas comment on dit, qui est le doubleur de Kevin James ou Vincent D'Onofrio dans quelques films. Ce n'est pas un doubleur le plus prolifique, mais il marche très bien. Et sur Rachel Weisz, c'est donc Laura Prigent qui fait Sylvie sur Loki. On espère encore une fois que jamais ces personnages se rencontreront. Voilà. Enfin, Avengers Dynasty of Kong, ça va être marrant de voir les doubleurs. T'sais. Ils vont se rendre compte qu'ils ont pris les mêmes et vont faire merde. Et ils vont devoir tout réorganiser. Donc parfait. Je rappelle que dans Endgame, il l'avait fait. Hein, parce que Loki et Katarina, c'est le même. Hein, et ça passe très bien. C'est vrai. Et donc on continue encore dans cette longue et douloureuse traversée avec Roman. Roman, il me semble que tu peux nous parler de... Ouais, je pète mon avis, mais peut-être la série pas la plus mauvaise, mais je trouve la moins intéressante. Alors, parlons de What If. Ouais, la paix, j'aime la paix. La paix me mettra au chômage. On se connaît ? Le temps. Et la réalité. Sont interchangeables. Où est-ce qu'on a envie d'être ? C'est ça la grande question. Chaque univers est différent. Et chacun d'eux est unique. Hey, vas-y, doucement, il y a des gens qui comprennent rien, là. Je parle pas de moi quand je dis ça. Qui êtes-vous ? Je suis Captain Carter. Scheiße ! Je suis le gardien. J'observe tout ce qui transpire de la réalité. Mais je n'ai pas le droit d'intervenir. Ok, il va falloir se la jouer freestyle. Cerné ! Vous êtes cerné. Un ravageur ne vole jamais en solo. J'ai dit ne vole jamais en solo. C'est quoi ça? Un genre d'énigme? J'étais pas hyper rassuré. Un voyage dans l'inconnu pour répondre à l'ultime question. Et si... Motif, c'était la série que j'attendais le plus, déjà. J'aime beaucoup le ton solennel que tu prends, genre, il faut qu'on en parle. On va évacuer. Bah, déjà, c'était la série que j'attendais le plus dans toutes les séries Marvel, quand elles ont été annoncées. Parce que je me suis dit, le concept de l'Uchronie peut être grave intéressant. Donc, c'est une série de 9 épisodes qui a commencé à diffuser le 11 août sur Disney+. On n'a pas le budget... Parce que c'est assez dur d'estimer le budget d'une série d'animation comme ça. Mais apparemment, il y aurait des communiqués qui diraient que toutes les séries Marvel et Star Wars de Disney+ coûteraient entre 150 et 200 millions. Sur certaines, sur Obi-Wan, on se demande où ils sont passés. Chez Hayden Christensen. Exact. Non, mais du coup, on reprend... On reprend 8 concepts, dont un qui est allé sur 2 épisodes, donc à savoir et si l'agent Carter avait pris le sérum du super soldat, et si T'Challa était devenu Star-Lord, et si tous les Avengers originaux mouraient les uns après les autres lors de leur recrutement par Nick Fury, et si Strange avait perdu Christine, et si les Avengers le monde était dans une pandémie de zombies. Et si Killmonger avait sauvé Tony Stark, et si Thor était enfant unique. Ah, ah. Et si Ultron avait gagné à la fin de Age of Ultron. et donc le 9e épisode qui est un crossover de tout ça. Donc, la série est réalisée par Brian Andrews, qui avait réalisé notamment des épisodes de la série animée Jackie Chan et de la série animée Men in Black. Mais qui était surtout storyboarder pour plusieurs films Disney, DreamWorks, Sony, sur un film de Burton, sur Les Noces Funèbres. Et sur... Oh, cool. Ouais. Et alors, juste pour info, chez Disney, il était storyboarder sur Le Roi Lion 3, Volt, Les Mondes de Ralph, et pour ce qui est des films live action, L'École Fantastique et John Carter. Ouais, on est pas sur le haut du panier, quoi. Attends, parce qu'on arrive sur le haut du panier sur DreamWorks, il était sur Shrek 4. Ouf! Ouch. Et sur Souris City, qui est donc la collab entre DreamWorks et Hardman. C'est nul! Après, il a été sur Hotel Transylvanie 1 et 3, sur Vivo, Les Rois de la Glisse 2, Le Schtroumpf, pas le film live, le film d'animation, Emoji, Angry Birds. Melvin, je suis surpris que t'aies pas défendu Souris City. C'est très bien Souris City. C'est nul! Et il a été storyboarder donc sur le MCU, notamment sur Iron Man 2 et 3, tous les Avengers, Thor 2, les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, Ant-Man, Doctor Strange et Captain Marvel. Super. Et niveau série, il était notamment sur Samurai Jack, les Super Nana et Clone Wars et la série Batman de 2005. Il a fait de tout, donc globalement, on est sur quelqu'un qui allait taper un petit peu tous les râteliers. Est-ce que tu veux démarrer par ton avis Attends, je fais juste. Au scénar, donc on a Matthew Chauncey qui était scénariste sur Miss Marvel et script doctor sur Thor 4. Et on a A.C. Bradley qui a bossé sur Miss Marvel, Chasseur de Trolls, la série de Del Toro et Arrow. À la musique, on a Laura Cartman, mais qui a bossé sur un milliard de trucs, mais rien de très marquant. Et à la production design, parce que sur l'animation, c'est quand même relativement important, on a Paul Lassane, qui était développeur visuel sur Les 5 Légendes et Spider-Man New Generation, et directeur des effets spéciaux sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est bien. En toute simplicité. En toute simplicité, voilà. Déjà, on applaudit. C'est ça. Et donc au cast, on retrouve dans la grosse addition de cette série, c'est le Watcher joué par Jeffrey Wright, qu'on a vu dans The Batman, dans les James Bond avec Daniel Craig, dans les Hunger Games, La Jeune Fille de l'Eau, Ali, Shaft, voilà. Et tout le reste revient, et juste un petit hommage à Chadwick Boseman qui fait sa dernière apparition. Chez Marvel avec ce film-là, et d'ailleurs on a un message à la fin de l'épisode 2 qui lui est dédié. Donc c'est marqué à notre héros, notre modèle, notre source d'inspiration, Chadwick Boseman. Voilà. Super. Tu veux démarrer par ton avis sur les épisodes, ou est-ce que t'as un épisode que tu préfères peut-être? Dis-nous tout. Alors, niveau épisode que je préfère, je dirais que ça se joue entre T'Challa Star-Lord et Doctor Strange. On est d'accord. Voilà, c'est les deux vraiment qui surplombent le tout. Aussi, l'épisode 9, que j'aime beaucoup. L'épisode final, le crossover d'univers, tout ça, c'est bien. D'ailleurs, je propose qu'on arrête d'appeler ça le MCU et qu'on appelle ça le MMM. C'est-à-dire le Marvel Multimédiatique Multiverse. Parce que c'est plus cinématique et c'est plus un univers. Donc ça sert à rien d'appeler ça le MCU. C'est vrai. Voilà. On va lancer une pétition pour voir combien de personnes peuvent ratifier ça. C'est ça. Donc voilà, le Marvel Multimédiatique Multiverse. Il y a clairement un épisode qui est en dessous du lot. Tu penses à celui de Thor ? Oui! Oh, même le premier. Le premier, il est infâme aussi. Ah, c'est Carter. Sympa. Oh, je déteste. Franchement, le premier, je le déteste pas, moi. Le Captain Carter, moi, je l'aime bien. Il est mou, il sert à rien et. Je sais pas. Je sais pas comment. Attends. Après, quel est ton épisode préféré? Ça se joue entre Doctor Strange et les deux derniers et les zombies. C'est quoi? Cool. C'est incroyable, les zombies, c'est très stylé. Non, j'aime beaucoup les deux derniers, en fait. C'est surtout ceux-là que je sauve. Le 3 avec le gardien, répond plus sincèrement. J'aime beaucoup le début de l'épisode zombie, avec Hulk qui arrive, la scène avec Iron Man, Mo, tout ça, Doctor Strange en zombie. Et après, quand ils se font bouffer par les fourmis contrôlées par la guêpe, ça c'est pas mal ça aussi. À partir du moment où Spider-Man apparaît, j'ai beaucoup de mal avec l'épisode zombie. À partir de Spider-Man, pour moi, c'est... Non, plus jamais. Mais parce que vraiment, pour le coup... En plus, Marvel Zombie, dans les comics, c'est vraiment un des arcs que je trouve, en tout cas, être un des plus intéressants, un des plus surprenants. Et là, je retrouvais absolument pas ça. Je voyais quelque chose de très... gâché, en fait. Vraiment, pour moi, Marvel Zombie, j'étais vraiment... Il y a la série qui va sortir, qui sera peut-être plus intéressante, voilà. Mais là... Il faut faire une série, oui. Bah, parce que pour le coup, dans l'épisode, j'avais vraiment la sensation d'un énorme potentiel gâché. Mais je te rejoins sur le Doctor Strange, que je trouve être, et de loin, le meilleur épisode. Ouais. Et après, il y a l'épisode que j'appelle sympa, c'est-à-dire... Alors, est-ce qu'on spoil ? Oui. Oh, oui, vas-y, on spoil. L'épisode où Hank Pym tue les Avengers au fur et à mesure, qui est quand même très cool, celui-là. Bah, il est anecdotique, sympa. Mais il est... Oui. Il est sympa parce qu'on revient dans les films un peu tous et que c'est inhabituel de voir les Avengers mourir. Après, il n'a rien de particulier, je trouve. Il est très classique. Et alors, je vais, oui, c'est pas grand-chose, mais il se regarde bien. La mort de Hulk, oui. Elle est... C'est laquelle il explose de l'intérieur, en fait. Il gonfle. Oui. Je sais pas comment il fait, je pense qu'il lui balance des particules PIM sur ses organes et que ses organes gonflent. Enfin, T'as trop vu Réanimateur, toi. Non, mais c'est vrai que là, j'aurais bien aimé voir ce qui se passe à l'intérieur avec Hank Pym qui balance les particules pour faire gonfler les organes et faire imploser Hulk. Ça aurait été classe, ça. Et l'épisode Killmonger aussi. Oui, il a une histoire sympa, il se suit très bien. L'épisode Killmonger, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que je le trouve vraiment très, très attachant, en fait, l'épisode Killmonger. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ça, c'est vraiment très beau. Mais est-ce que tu veux nous résumer éventuellement, le Docteur Strange, qui est vraiment, en tout cas de loin, je trouve être le plus touchant, surtout. Alors, l'épisode Docteur Strange, donc... Strange a un accident de voiture, ce qui le pousse à partir à Camartage pour apprendre les arts mystiques, sauf que, contrairement au film, il n'a pas perdu que ses mains, mais il a perdu aussi son cœur, c'est-à-dire qu'il n'était pas seul dans la voiture, il était avec Christine. Voilà, Christine Palmer, donc le personnage de Rachel McAdams. Et en fait, une fois qu'il a sauvé la Terre de Dormammu, tout ça, il veut se servir de la pierre du temps et des armes mystiques pour empêcher la mort de Christine, ce qu'il ne peut pas faire, et du coup, il va emmagasiner le pouvoir d'énormément de créatures mystiques pour essayer d'atteindre ce pouvoir et au final se rendre compte que c'est impossible. Parce que ça créerait le paradoxe temporel qu'en gros, s'il sauve Christine, il n'a aucune raison d'apprendre les arts mystiques. Et que du coup, il ne peut pas la sauver s'il apprend les arts mystiques. Bref, le fameux paradoxe temporel. Et cet épisode est juste trop bien. Le Dark Strange est incroyablement classe. Et toutes, oui. toutes les bestias qu'on voit dans l'épisode, là, notamment ce que je vais appeler le Entaiosaur. Qu'on voyait déjà dans le premier épisode avec l'agent Carter. Surtout, ce que j'aime beaucoup dans le Dark Strange, c'est que non seulement il est vraiment classe, mais surtout, je le trouve vraiment tragique. Vraiment, le Dark Strange, moi, il me déprime complètement, ce personnage. Mais oui. Melvin, toi, tu veux réagir à l'épisode de Doctor Strange ? Bah, je te dis, c'est soit mon préféré, soit mon deuxième préféré. Disons que pour une fois, on a un personnage touchant et bien écrit, quoi. Parce que je répète que Agent Carter, c'est Captain America version femme, ni moins. Alors que là, on a vraiment une vraie histoire, un ton qui change aussi. Et ça fait plaisir. À la scène où il va revivre en boucle son accident et voir Christine à chaque fois mourir dans ses bras, je vous cache pas que moi, ça m'a pas mis bien. Tu le regardes, tu te dis « Ah, yes !» Mais vraiment, je suis presque dégoûté que la scène de l'agent Carter, le fait que Peggy s'attarde pas plus que ça sur Steve, rate la potentielle émotion de la chose. Après, on peut pas spécialement le reprocher, parce que dans le Captain America, ils sont pas du tout proches à ce moment-là dans mes souvenirs. Genre, ils se sont vus deux fois, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment dommage. Mais également, Roman, est-ce que tu as trouvé des infos potentielles sur l'épisode qui n'a pas été fait, qui n'a pas été diffusé pour cette première saison ? Alors, j'ai pas trouvé d'infos sur l'épisode où on voit vite fait un extrait avec une espèce d'Iron Man en champion de Sakaar avec Gamora. Gamora avec la lance de Thanos. Par contre, j'ai beaucoup. C'est surtout c'était Golden Gamora dont je parlais. Par contre, j'ai beaucoup d'épisodes rejetés. Et c'est juste sur cet épisode, il doit arriver dans la saison 2, du coup, possiblement. Et c'est marrant parce que les figurines. Ils l'ont sorti alors que l'épisode n'existe pas. Voilà. Il sera dans la saison 2, ça a été confirmé. Ouais, mais du coup, là, si vous voulez, j'ai une figurine Lego de Gamora avec la lance de Thanos en costume doré alors qu'elle n'existe nulle part dans le MCU. C'est très marrant. Joli. Bah, c'est comme. très beau. C'est comme cette figurine pop de Hulk qui explose le Hulkbuster de l'intérieur. Tu sais, dans Infinity War, t'as Banner qui conduit, conduit le Hulkbuster. Et apparemment, il aurait dû avoir une scène où Hulk, enfin où Banner devenait Hulk et il explosait le Hulkbuster de l'intérieur. Ouais, mais elle a jamais été filmée. Elle a été rejetée. Mais ça existe en pop. Après, pour le coup, pop, ils font souvent des freestyles sur certains personnages. Oui, oui. Mais donc, les épisodes rejetés. Alors, il aurait dû avoir un épisode avec les Gardiens de la Galaxie. Mais en fait, une fois qu'il a été écrit, on a révélé au scénariste que, bah en fait, les gars, vous venez de raconter la moitié des Gardiens de la Galaxie 3. Donc, on va pas faire l'épisode du coup. Non. Si. Mais du coup, et on sait ce que c'est comme concept ou pas du tout ? Non, non, on sait pas. Alors. Ça, ça doit être trop drôle. Genre, tu finis ton épisode, tu dis putain, il est trop bien, et on vient de voir en fait. Alors, en fait, non. Alors, on aura ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un épisode où Jane devenait digne de Mjolnir. Tiens. Mais qui a été refusé pour Thor 4, alors que Thor 4 n'était même pas encore annoncé à ce moment-là. Alors, on a aussi un épisode où Spider-Man devait se transformer en araignée Cronenberg style. Ce qui a eu lieu dans les comics, pour le coup. Ah ouais, mais du coup, refusé parce que trop dark. Et à l'inverse, on a un épisode refusé parce que trop débile, un épisode où les Avengers étaient des dinosaures. Oh, mais lui, je veux le voir. D'où Attends, ils disent trop débile, mais ils sortent Black Widow. Moi, ce que je voulais voir, c'était Iron Man en T-Rex, quoi. Attends, mais là, du coup, je me prends à m'imaginer quel dinosaure pour faire Ant-Man ? Qui pour faire Ant-Man ? Autre question. Ah putain, Hulk en Diplodocus. Alors. Mais c'est magnifique. Là, t'es au courant que t'as ouvert une boîte de Pandore, là, parce que là, là, je suis en train d'imaginer chaque héros en dinosaure. Incroyable. Genre, Spider-Man en archéoptérie, enfin en archéoptile, tu vois, c'est. Non, Falcon. Falcon en ptérodactyle. En ptérodactyle, ouais. Et du coup, Hawkeye. Hulk, bah non, tu mets en ankylosaure. Hulk en ankylosaure. Oh ouais! Oh oui! Oh ouais! Et qui en Triceratops? Captain America. Avec un bouclier sur la tête. Avec, tu sais, les cornes et genre, c'est plus de gros machin, mais en couleur de l'Amérique. C'est ça, une corne bleue, une corne blanche. Et Thor. Bah non, Thor, c'est l'ankylosaure. Les dinosaures. Thor, c'est l'ankylosaure avec son gros marteau. Avec et Mjolnir à la place de la queue. Et des cheveux blonds. Mais vous savez quoi ? Je suis sûr que même en ankylosaure, il serait toujours beaucoup plus classe que les autres. Parce que c'est Chris, hein. Oui. Comme ça. Chris en ankylosaure. Il aurait les mêmes cheveux blonds. Même en grenouille, il est plus classe que les autres. mais franchement, là, pour le coup, j'aurais bien aimé être dans le bureau d'écriture de What If, voir vraiment le coup de spoiler les Gardiens 3. C'est incroyable, ça doit être trop drôle, ça. Alors, j'ai d'autres épisodes rejetés, notamment, on a dit Jane qui devient digne de Mjolnir. On a aussi Loki qui devient digne de Mjolnir. Ça, pour le coup, il me semble que ça a eu lieu dans les comics aussi. Alors, on a aussi un épisode rejeté où, en gros, la vie de Tony Stark change parce qu'il a une meilleure relation avec son père. Ce qui. What is your relationship with your father? Non, mais du coup, ce qui change beaucoup la vie de Tony Stark, quand même. Parce que c'était le personnage connu pour avoir une relation conflictuelle avec son père, tout ça. Mais A.C. Bradley, un des scénaristes, espère que ce sera un épisode de la saison 2. Oh, bah oui, pour le coup, ça, je serais curieux de voir ça. On a un épisode qui apparemment modifierait les événements du film Captain Marvel, mais qui a été repoussé à cause du Covid. Tu veux dire qu'il le rend bien? Et enfin, un épisode où Tony et Pepper explorent l'univers façon Odyssée d'Homère. Quoi? Mais qui a été refusé parce que c'était un concept trop grand pour un épisode d'une demi-heure. Ouais, ça, je suis en mode, mais en 20 minutes, tu le rentres pas, ça. C'est ça, titre. Et ben, ma foi. Et voilà. Mais après, est-ce que, avec. Enfin, là, après, on se met à baver sur ce qui n'existe pas, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord que, avec la saison 1 qu'on a actuellement, en tout cas, malgré quelques épisodes qui surnagent, donc les deux derniers, le Doctor Strange, etc., et le T'Challa, quoi. Même si le T'Challa, au final, je sais pas si je l'aime, si je le trouve sympa à cause de son acteur, ou à cause de l'épisode en lui-même, parce que l'épisode en lui-même, je le trouve pas incroyable, mais est-ce qu'on partage le point de vue que globalement, c'est quand même pas mal de trucs un peu, pas gâchés, mais c'est un peu dommage au final. Bah, je dirais pas, toi, attends, j'ai l'impression que c'est une série moyen moins avec quelques épisodes qui surnagent. Non, moyen plus. Moyen, non, même moyen tout court en fait. Bah, moi, je dirais que c'est une bonne série avec quelques épisodes qui pataugent. Moi, je dirais sur la base. Je suis d'accord. T'es plus généreux pour. Vous êtes d'accord avec Romain? Et moi, j'aime beaucoup la série, notamment sur sa fin, et je trouve juste que, comme en fait la plupart des anthologies, il y a du très bon et il y a du beaucoup moins bon. Et que, voilà, c'est après, c'est une anthologie, donc ça me dérange. Sauf sur Creepshow, parce que Creepshow, c'est génial. Ah, c'est oui, génial. Mais Creepshow 1, ouais, ce que tu vois juste après Creepshow, t'as Creepshow 2, tu vois, et pour moi, What If, c'est plus Creepshow 2, et Doctor Strange, c'est l'équivalent du segment du radeau. Tu vois le. Ouais, je vois. Mais si, donc sur 9 épisodes, sur 8 épisodes, on rassemble les 8 en deux. Si je vous demande là, 3 épisodes préférés et 3 épisodes les moins bons, Roman, tu dis quoi? Alors, 3 préférés. Sans réfléchir, là, comme ça, à l'instant. Shala bah, Star-Lord, Doctor Strange et le double épisode final. Et 3 détestés? 3 détestés, Thor. Oui. Zombie et Captain Carter, même si je déteste pas Zombie et Captain Carter. Et toi, Melvin? Doctor Strange et les deux derniers, si tu comptes qu'un seul, il me manque un troisième. Mais moi j'aime bien les zombies. Hein. J'ai passé un bon moment devant. Garde donc les zombies. Et après que j'aime pas, le premier est Thor. Et après les autres, c'est un peu Osef. Et moi c'est le premier que j'aime le moins. Le premier, il m'a. J'ai pas aimé. Genre j'ai commencé par lui, j'ai pas envie de voir la suite. Mais tu aurais raté Doctor Strange. Et, oui. Moi, je pense, si jamais j'en garde trois, bah, comme vous, vraiment le Docteur Strange qui pour moi me surclasse tous les autres sans trop de difficultés. Et après, dans ceux que j'aime bien, ouais, le Star-Lord, parce que je trouve que c'est un dernier épisode qui est plutôt touchant. Et je vais vous étonner, mais moi, franchement, le Captain Carter, j'ai bien aimé le Captain Carter. Hein. Je suis un peu tout seul, mais j'ai bien aimé. Et les épisodes que j'aime le moins. Ouais, je serais tenté de dire les zombies parce que je suis très. Après, c'est aussi parce que je suis vraiment attaché à la saga des Marvel Zombies au départ. Que j'aime le moins, bah, le Thor, évidemment. Vraiment le Thor qui est vraiment pas intéressant. Et. Ouais, si les Avengers étaient morts, parce que je le. Eh ben, il est sympa à voir, mais je trouve vraiment que c'est pas grand chose au final. Mention spéciale au running gag dans l'épisode de T'Challa. Où tout le monde dit à Thanos, mais ça ressemble quand même beaucoup à un génocide ce que tu proposes. Ouais, non, ça pour le coup, c'est vrai que c'est cool, mais ça ressemble vachement à un génocide. Et non, mais non, c'est impartial, c'est aléatoire. Il essaie de se trouver des excuses et toi tu te dis non, mais arrête. Et donc, on s'approche lentement, mais sûrement, on touche déjà au dernier film. Et Roman, c'est à nouveau toi qui nous en parle, qui a la lourde tâche d'en parler. Alors, donc parlons de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Durant toute ma vie, les 10 anneaux ont rendu ma famille puissante. Et si tu veux qu'ils t'appartiennent plus tard, tu dois me prouver que tu es assez fort pour les mériter. Tu es le produit de tous ceux qui t'ont précédé. Tu es l'héritier de ta famille. Tu es ta mère. Et que ça te plaise ou pas, tu es aussi ton père. J'ai dit à mes hommes qu'ils n'arriveraient pas à te tuer, même s'ils essayaient. Heureux d'avoir eu raison. Tu n'es qu'un criminel. Un tueur, rien de plus. Ne me parle jamais sur ce ton, petit. J'ai voulu changer de nom. Changer de vie. Mais je ne pourrai jamais échapper à son ombre. Mon fils, tu ne peux pas fuir ton passé. C'est ce que tu voulais ? Tu peux t'en sortir ? Bien sûr. Donc, c'est réalisé par Destin Daniel Creighton, qui avait déjà réalisé plusieurs films, notamment Le Château de Verre et La Voix de la Justice. Dans les deux, on retrouve Brie Larson, d'ailleurs, et il a collaboré encore d'autres fois avec Brie Larson, et je pense que c'est pour ça qu'elle est dans la scène post-générique. Parce qu'à part ça, elle sert à rien, mais... je pense qu'il l'a juste foutu là pour foutre sa pote dans le film, mais voilà. D'ailleurs, on retrouve d'autres acteurs du MCU comme dans La Voix de la Justice, il y a Michael B. Jordan et Jamie Foxx, qui est pas un acteur du MCU maintenant, et qui va aussi réaliser donc Shang-Chi 2, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le deuxième réalisateur asiatique, enfin d'origine asiatique, à réaliser un film Marvel après Ang Lee. Ang Lee qui avait fait Hulk, c'était en 2000 et quelques, ça. 2003 ou 2004, donc comme ça, ouais. Donc, au scénario, on retrouve donc justement Destin Daniel Creighton, qui a rien écrit, qui a quasiment rien écrit d'autre que ses propres films. On retrouve Dave Callahan, qui a commencé sa carrière en étant co-scénariste sur Doom, parce que si je place pas The Rock au moins une fois par jour, je vomis. Donc voilà, c'est fait. Waouh! Écoute, moi j'en ai bien une qui a démarré sa carrière de réalisatrice sur Children of the Corn. Hein, on démarre par ce qu'on peut. Voilà, et après, il a été donc co-scénariste avec Frank Darabont et David S. Goyer sur Godzilla de Gareth Edwards. Puis sur les 3 et bientôt 4 Expendables. Aussi sur des épisodes de la série Jean-Claude Van Johnson. Avec Van Damme, sur Retour à Zombieland, sur Wonder Woman 84, sur le Mortal Kombat 2021, wow. Et sur des futurs films, ouais. Sur des futurs films Hercule, Masters of the Universe, et surtout, très important, les prochains Spider-Man Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse. Alors, je veux pas être méchant, mais honnêtement, c'est quand même compliqué comme carrière de scénariste. Hein. C'est... Oui. Sachant que Hercule, c'est pour toi, Melvin, c'est le Hercule de Guy Ritchie. Wouh. Putain. Et on retrouve aussi Andrew Lanham au scénario, mais qui est juste collaborateur sur les scénarios du Real, donc de Creighton, depuis 2017. À la musique, on a Joel P. West qui pareil est un collaborateur de Cretonne et qui là nous fait une musique assez assez chinoise, pour résumer ça en un mot. Ouais, mais chinoise Ching Chong, tu vois, on n'est pas dans Tigre et Dragon, quoi. C'est ça. Et à la photo, on retrouve Bill Pope, donc qui a commencé en étant chef op sur des clips comme Metallica, par exemple. Puis il a commencé sa carrière avec donc sa carrière au cinéma avec un petit film qui s'appelait Death Doll. Et l'année d'après, il est chef op sur Darkman de Sam Raimi. Très bon film. Et d'ailleurs, il travaillera encore avec Sam Raimi sur Evil Dead 3 et Spider-Man 2 et 3. On le remercie pour ça. Voilà. Mais aussi, il est chef op sur les trois premiers Matrix. Et c'est un film qu'on oublie souvent, sur Bound, le premier film des Wachowski, qui est un thriller érotique qui est super cool. Avec Jennifer Tilly, que j'ai pas encore vu. Excellent. Et aussi... Il collabore deux fois avec Edgar Wright sur Scott Pilgrim et sur Baby Driver. Et Melvin le remercie. Yes. Et aussi sur d'autres films comme Man in Black 3, Alita Battle Angel, Team America Police du Monde, mais aussi Clueless, The Spirit, Alex le Destin d'un Roi ou le Charlie's Angels de 2019. On en parlait tout à l'heure. Et comment ? On fait tous des erreurs. Voilà. Et petit kiff perso, il était chef op sur l'épisode pilote de la série Freaks and Geeks. Qui est une série que j'avais beaucoup aimé. C'est une série que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vue. C'est une série des années 90. Et c'est la série qui a révélé au public Linda Cardellini, James Franco, Seth Rogen et Jason Segel. Je ne le remercie pas pour Seth Rogen. J'adore Seth Rogen. J'ai revu Superbad il n'y a pas longtemps. C'est trop bien. Melvin, soutiens-moi s'il te plaît. J'aime bien ma McLovin, mais c'est tout. Le reste, elle dégage. Tu sais que j'ai un t-shirt avec la fausse carte d'identité de McLovin dessus. Oui, mais si on enlève McLovin, sans déconner, il reste quoi, ce film, je disais... Jonah Hill est génial. Oui, mais Jonah Hill est une ordure. Je veux dire, moi, j'en avais un souvenir plutôt pas mauvais, mais genre, je l'ai revu, ma mâchoire, elle est tombée par terre. Quoi. C'est trop bien, ce partage. Enfin, là n'est pas le sujet. Peut-être qu'un jour on fera un épisode Seth Rogen et à ce moment-là j'emmerai mes MP5. Mais bref, Roman, on te laisse continuer. Donc au cast, on retrouve Simu Liu dans le rôle de Chang-Chi, qui a surtout joué dans des séries. Donc il a joué dans Slashers, dans Star Wars Visions et dans Orphan Black. Et il jouera dans la série Nora from the Queens avec Awkwafina, justement, qui joue dans le film. Et on le verra dans Barbie de Greta Gerwig. Avec Ryan Gosling dans son meilleur rôle. C'est ça. Donc justement, Katie qui est jouée par Awkwafina, qui a été révélée vraiment avec l'adieu. Mais qui a aussi joué dans Nos Pires Voisins 2, Ocean's 8, Crazy Rich Asian. Et niveau film d'animation, Bob l'Éponge, Éponge en eau trouble, Ryan dans les dragons, Les Bad Guys. Et elle prête sa voix dans les séries Dark Crystal et Les Simpsons. Putain, il y a des carrières qui... tout ramène à Marvel. Et donc le gros du casting, c'est Tony Chiu Wai Lung, qui a commencé sa carrière dans le dernier film de Bruce Lee, dans Le Jeu de la Mort. Mm-hmm. Fun fact, enfin, pas si fun que ça. Et là, bon courage pour résumer sa carrière. Hein. Globalement, je vais dire les gros réels avec qui il a tourné. Il a tourné 4 fois pour John Woo, 6 fois pour Wong Kar-wai, 1 fois pour Tsui Hark, et il est dans Internal Affairs 1 et 3. Voilà. Globalement, c'est, ouais, mais, si je veux résumer très vite, mais donc voilà. Chez John Woo, on parle des bons. Hein. Chez John Woo, il a fait une balle dans la tête. Une balle dans la tête, à toute épreuve, et les trois royaumes 1 et 2. Et ben voilà, et chez Wong Kar-wai, je les ai pas tous, mais ben, il a fait Wong Kar-wai, Love, c'est, Happy Together. C'est Nos Années Sauvages, Chucking Express, In the Mood for Love, Les Cendres du Temps, Happy Together et The Grandmaster. Voilà, donc globalement, c'est acteur de légende, filmographie de légende, réalisateur de légende. Voilà. Incroyable acteur. Et pour Tsui Hark, c'est Histoire de fantôme chinois 3. Oui, Choi, on parle jamais assez de Choi Hark. Et j'espère que tu vas parler aussi de l'autre actrice asiatique très connue qu'il y a dans le film. Eh ben oui, justement. Alors, d'abord, je passe vite fait sur les deux. Donc, Meng Er Zheng, qui joue la sœur de Chang, donc son personnage, c'est Chaling. C'est le premier film dans lequel elle joue après avoir joué dans un épisode de The Witcher. Voilà. Donc on a Falachienne, on a Falachienne qui joue Lee, donc la mère de Chang, qui a joué dans beaucoup de séries chinoises et qui a joué ensuite dans La Revanche des Dragons Verts, qui est réalisé par un des réals de Infernal Affairs. On et a, je me permets de dire, Falachienne a joué, alors j'ai pas encore vu, mais elle est au casting de la série télévisée Irma Vep, dans laquelle on retrouve Alicia Vikander. Oh, ok. Je veux. Et donc, ensuite, ensuite bah, du coup, on parlait de gros acteurs asiatiques. Nad, donc, qui est joué par Michel Yeo, qui s'est fait connaître d'abord à Hong Kong avec les Police Action, Le Casse du Siècle, La Légende des Héros. Puis après les, puis dans Tigre et Dragon 1 et 2. Et après, elle part aux États-Unis, donc avec... le James Bond Demain ne meurt jamais, Mémoire d'une Geisha, Sunshine, La Momie 3, Les Gardiens de la Galaxie 2, Morgan, Crazy Rich Asian, on dirait bien, Bloody Milkshake, toujours pas vu, qui est trop cool, et pour des réals français, donc Babylon AD de Kassovitz et The Lady de Luc Besson. Et elle a, elle a surtout le rôle principal de Everything Everywhere All at Once, qui est incroyable, bordel de merde. C'est génial ce film. C'est sur, le film est surtout une déclaration d'amour à son actrice. Hein, c'est... Un peu. D'ailleurs, l'acteur, le rôle masculin principal du film, c'est. Enfin, de Everything Everywhere All at Once, c'est Demi-Lune dans Indiana Jones 2. Et, oui. Et ça, c'est cool. Et surtout, elle sera aussi au casting des futurs Avatar 2, 3, 4 et 5. Michelle Yeo, qui est une actrice aussi respectée, respectable, et que moi, en tout cas, j'aime énormément. Et petit plus, dans le rôle du personnage de Razor Fist, il s'appelle vraiment comme ça, il est crédité sous ce nom-là, on a Florian Montenu, ouais, qui joue Victor Drago dans Creed 2. Et j'adore Creed 2. Creed 2, c'est super cool. C'est super cool. Ouais. Et oui, donc il joue le fils de Dolph Lundgren. Dans le film, et voilà. Il a la tête du rôle. Hein. C'est ça. Et donc, au cast, donc, comme j'avais dit, on a Brie Larson. Enfin, dans ceux qui reviennent, on a Brie Larson dans la scène post-générique, dans laquelle on retrouve aussi Mark Ruffalo et Wong, donc, qui est joué par Benedict Wong. Et inattendu, mais pas tant que ça, parce qu'on parle des anneaux, le retour de Ben Kingsley. Oh. Donc, dans le rôle de Trevor Slattery, le faux mandarin d'Iron Man 3. Oui. Je sais, j'ai pas compris ce qu'il foutait là. Mais il était il là. Est là pour. Je pense qu'il est là pour l'humour et même pour entre guillemets s'excuser auprès de ceux qui s'étaient énervés dans Iron Man 3 de voir le mandarin salopé. Mais il n'y a pas à s'excuser, putain, c'était la, une des meilleures idées du film. Ouais, à l'époque, je m'étais un petit peu énervé quand même. Avec du recul, c'est une bonne idée, mais je pense que c'est une façon pour Marvel de dire. On a compris, voilà le vrai mandarin. Enfin, quand je vois ce qu'ils m'ont fait, finalement, j'étais bien avec Ben, Kingsley. Déjà, ils l'ont fait dans un court-métrage qui est dans les bonus du Blu-ray de Thor 2, qui s'appelle All Hail the King, qui est en fait une interview du personnage de Ben Kingsley en prison, après ce qui s'est passé dans Iron Man 3, et où le court-métrage se termine par le journaliste qui pointe un flingue sur Ben Kingsley. Et tu vois au poignet du mec qu'il a le tatouage des 10 anneaux. Non. Si. Bah après, je pense que comme tu dois être une des rares personnes sur Terre à posséder le Blu-ray de Thor 2, il est sur possiblement, YouTube. Je pense. Sur YouTube aussi. Ah bah attends, je fais une recherche à l'instant, je vais continuer, je vérifie. Mais pour le coup, les 10 anneaux, enfin, il n'y avait pas à faire cette connerie-là pour dire que ouais, en fait, le mandarin, c'était pas lui le vrai et que les 10 anneaux, ça existe. C'est les 10 anneaux qui kidnappent Iron Man dans le 1, bande de débiles. Il n'y avait pas à faire tout ce scandale. Putain. C'est vrai, c'est vrai. Après, dans le 1, tu pouvais dire oui, mais c'est Obadiah Stane qui a fait que... Non, non, mais c'est bien eux. J'ai vérifié, c'est bien eux. Et non, mais en plus, il y a le drapeau des 10 anneaux et c'est... Et on est 5 ans avant Iron Man 3. Donc voilà, tout le coup de Regis Killian, ça marche pas. Enfin, c'est... Non. Et je confirme bien, le clip All Hail the King est bien disponible sur YouTube. le clip de Marvel, tu le vois bien. Et on voit bien le tatouage des 10 anneaux. Bien vu. Voilà, donc le retour de Ben Kingsley avec sa bestiole, qui est juste une bestiole avec des ailes. Globalement, c'est une boule de poils avec des ailes. Achète ma merde, regarde, c'est mignon. Dépense, consomme, toi-même. Il me semble que le projet date d'il y a un peu plus longtemps que d'il y a quelques années, tout simplement. Et ben justement, ça arrive dans les trivia. Mais alors, ça, j'en reviendrai après. Qu'est-ce que vous avez pensé de Chang-Chi ? Melvin, démarre, tu vas être plus sympa que moi. Il faut savoir que le film d'avant, c'était Black Widow, donc j'allais un peu à reculons. Je me disais, bon, au moins, ça a l'air de changer un peu d'environnement et tout. Et toute la première partie, jusqu'à... la moitié, après Macao, franchement, j'étais dedans, je trouvais ça pas mal, ça changeait. Je supporte pas Awkwafina, mais ça, c'est un petit détail. Mais tout le reste, je pense à la scène du bus, par exemple, c'était vraiment sympa, pas trop mal filmé. Par contre, après, ça va plus, quoi. D'ailleurs, quand il arrive dans, je sais plus où, du coup, l'espèce de pays. Macao. Non, après. Ah non, le truc, le pays en Chine. Ching Chong Lang, ouais. Du coup, parce que pour le coup, c'est la Chine touriste. Ouais, quand il arrive dans Disneyland chinois, là. Et là, ça va plus. Il y a le mandarin qui me gonfle au possible. Là, c'est une bouillie numérique. J'ai l'impression que ça change le réalisateur. Tout d'un coup, plus rien n'est bien filmé. Les personnages sont vides, tout est prévisible. Et non, ça va plus du tout. Et c'est vraiment dommage. Mais après, en sortant du film, ça va. Je suis pas non plus. J'ai pas envie de cracher dessus. Je trouve que ça change un peu. Il y a quand même du bon. Donc, pas un mauvais moment, mais pas très très loin d'être un chef-d'œuvre, quoi. À peine bon film. Je suis globalement d'accord avec toi, même si moi j'aime bien la scène du bus. À nouveau, tu as dit pour une fois, tu as la caméra qui bouge un peu, l'action est plutôt cool. Tu te dis enfin un parti pris en termes de réel plutôt intéressant. Et moi, je m'arrête à la scène de bataille sur le mur de l'immeuble. Une fois que ça s'est passé, pour le coup, moi vraiment j'arrête. En fait, je trouve que quand je dis Ching Chong Lang, c'est pas du tout un message à caractère haineux ou quoi. C'est juste que vraiment, beaucoup de gens ont mis en avant le côté Asie et le côté diversité culturelle représenté enfin dans un Marvel. Mais, je posais la blague hors antenne, mais on est plus proche d'un resto asiatique buffet à volonté que d'un film de John Woo. Tu vois, c'est vraiment. C'est l'action est mieux filmée, mais on n'est pas dans Tigre et Dragon, on n'est pas chez Choyark. Enfin, je demande pas non plus à ce que l'action ce soit un chef-d'œuvre, mais je trouve ça au global assez timide, même si je dois admettre, Melvin, en effet, tu as dit, ça change un petit peu. Et même à la fin, je trouve que les idées de fin sont bonnes, mais que leur exécution est dégueulasse. C'est-à-dire qu'on a parlé des effets spéciaux qui ne suivent plus, et là, ça commence à se faire sentir, c'est-à-dire que tu vois les designs, et je suis sûr que dans les dessins et dans les concept art, ça devait être super beau, mais à l'écran, ça fait trop numérique, ça fait trop, trop fake, et j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à y croire, sincèrement. Pourtant, ça, c'est un film que vraiment j'aurais voulu aimer, c'est-à-dire que Tony Leung, j'aime beaucoup le personnage de Tony Leung. Tony Leung est très professionnel, il joue super bien, mais bon, c'est Tony Leung en même temps. Et j'aime beaucoup son personnage, je le trouve vraiment à nouveau, parce que encore une fois, Marvel travaille ses méchants et offre un méchant, à défaut d'être crédible et au moins compréhensible. Et j'aime bien son évolution, je trouve ça assez touchant, toujours. Mais je trouve que Shang-Chi, il est un peu trop long pour son propre bien, c'est-à-dire à nouveau, il fait plus de 2 heures. Et bon, c'est pas. Non, je le déteste pas, mais c'est pas. Pour moi, passer le premier tiers, globalement, j'ai du mal à re-rentrer dans le film. Mais après, c'est rien de personnel, et je me dis qu'au moins, ça change un petit peu, c'est déjà ça. Mais à nouveau, comme toi, Melvin, à peine. J'ai du mal à dire vraiment que le film est vraiment bien. Roman, tu es peut-être plus positif que nous. Ouais, je vais être plus positif que vous. J'ai quand même pas mal aimé Chang-Chi. Vous l'avez dit, la scène du bus est géniale. La scène de l'échafaudage en bambou à Macao est super aussi. Ouais, c'est à partir de celle-là que moi je lâche, mais justement, c'est celle-là en tant que telle est super cool. C'est après que. Plus pour moi. Juste, on évite de faire un vrai chaos. Le combat entre Wong et l'Abomination. Ils sont. Bah, j'attends de voir chez Hulk pour savoir. Bah, Melvin fait partie des défenseurs hardcore de l'incroyable Hulk. Je veux voir chez Hulk. J'attends ça avec impatience. C'est quoi déjà, vous vous sentez bien, chef? Je sais plus ce qu'il lui répond, mais il lui répond un truc... J'ai une forme de monstre ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, genre je monstrueusement en forme, un truc comme ça. Ouais. Je suis monstrueusement génial. Et donc, voilà, la scène de l'échafaudage est quand même bien stylée. Et oui, là, toi, les effets visuels te freinent, Corentin, sur la fin, là, avec le bestiaire, tout ça. Chez moi, ça passe, disons. C'est pas grandiose, mais ça passe. Tu peux faire la concession que c'est pas beau. Enfin, c'est, en tout cas, que techniquement... C'est pas au niveau de ce que Marvel a pu faire par le passé. Oui, bien sûr. Quoi, je veux dire ça. Bien sûr, bien sûr. Mais je, pour moi, ça passe facilement. Et puis, je salue la créativité du bestiaire, tout ce qui en sort là. Cela dit, j'aime beaucoup le gros dragon. Je le trouve vraiment cool. Oui, le gros dragon, oui. Et j'aime beaucoup aussi l'utilisation qui est faite des 10 anneaux. Ça a pas mal fait gueuler, ça aussi, ouais. Bah, je trouve que ça donne, c'est quelque chose qu'on a rarement vu, et de manière générale, tout le côté arts martiaux du film, c'est quelque chose qu'on a rarement vu chez Marvel, et qui, pour le coup, est assez bien fait ici. Bah, la scène sur les échafaudages, je la trouve vraiment, vraiment super. Et je trouve qu'elle se tient vachement bien en termes de baston pur. Ouais. Bah, justement, en termes de baston, y a un petit trivia, c'est que quand Simu Liu a été casté, il avait des connaissances en gymnastique, en taekwondo et en Wing Chun, je sais pas ce que c'est, mais quand il a eu un entraînement pour le film, il a été entraîné au Tai Chi, au Wushu, à la Muay Thai, au Penchak Silat, au Krav Maga, au Jiu Jitsu, à la boxe... Penchak Silat, au Krav Maga, au Jiu Jitsu, à la boxe et au combat de rue. Maintenant, n'importe qui lui tape sur l'épaule et lui pète les deux genoux. C'est ça. Sur Shang-Chi, il y a un point que tu parlais des 10 anneaux, je me permets d'agir sur ça. Je pense qu'au contraire, ça a pas mal fait gueuler, mais je me pense sincèrement que c'est une décision très judicieuse parce que l'équilibre des pouvoirs dans le MCU a toujours été un petit peu flou quand même. Genre Captain Marvel à tout hasard, mais a quand même trouvé une cohérence dans le sens où tu sais qu'il y a des trucs qui sont plus forts que d'autres. Et honnêtement, vu la puissance des anneaux dans les comics, les mettre à leur vraie puissance dans le MCU en tant que tel, ça aurait eu juste aucun sens. Donc le fait d'en faire plus une arme très puissante, mais pas complètement abusée, je pense que c'était la bonne chose à faire. Et ben après, on est sur les 10 anneaux, mais tout le personnage de Tony Leung qui s'appelle comment déjà ? Qui s'appelle Zhu Wenwu, voilà. Zhu Wenwu, ouais. Du coup, je pense que c'est dit. Qui est intéressant dans le sens où il a pendant des milliers d'années des centaines d'années on va dire était un salopard qui pensait qu'à la conquête. Quand il s'est mis avec Lee, donc le personnage de Falachen, il s'est rangé et c'est la mort de sa femme qui l'a fait replonger. Et bah, il y a un dialogue entre Chang et le personnage de Michelle Yeoh où elle explique que les voix qu'il entend, en fait, c'est les voix qu'il y a bah, du coup, de l'autre côté de la porte qui enferme... Je sais plus ce que c'est le nom de la bestiasse. Des monstres. Voilà, le gardien des ténèbres. Les méchants. L'autre des ténèbres. Les méchants. Bref. Et elle dit qu'ils appâtent... en fait, le monstre appâte les gens avec ce qu'ils veulent le plus. Et lui, ce qu'il veut le plus, c'est revoir sa femme. Oui, c'est ce que je dis, son personnage justement est pour moi le point fort du film. Mais comme les méchants chez Marvel, comme je disais, sont travaillés en fait. Maintenant, ils sont compréhensibles et c'est pas juste moi méchant. Et tant qu'on est sur Tony Leung, petite trivia aussi vite fait, c'est son premier rôle dans un film américain. Quoi? Bah attends, oui, merde. Putain. Bah pourtant, pour un acteur de cette rampe, j'aurais juré, bah oui, je suis sûr ça... Non, bah non, bah oui, oui. Et c'est aussi son premier rôle en langue anglaise. Il savait parler anglais ou... Il a toujours été bilingue, mais c'est son premier rôle en anglais. Ah ok, d'accord, donc c'est-à-dire parce que je pensais qu'il sinon il l'aurait fait en phonétique ou autre. Non, non, bah en plus il est assez à l'aise quand il joue en anglais, non, il a toujours été bilingue, et mais c'est son premier rôle en langue anglaise. Mais quel homme, que ne sait-il pas faire? je suis très très fan de cinéma asiatique et de Tony Leung en particulier. Et ok, bah super, vas-y. J'ai envie de faire un dernier trivia, donc t'en parlais tout à l'heure, l'idée de faire un film Shang-Chi. Stan Lee avait l'idée de faire un film Shang-Chi dès la fin des années 80, et il se disait que bah, vu que le personnage des comics était basé sur Bruce Lee, on allait caster Brandon Lee pour le jouer. Ouais, il y a eu un petit détail qui a fait que... Voilà. Voilà, donc en 94, Brandon Lee est mort. Une faute d'accessoire. C'est ça. C'est ça. Et donc le film a coûté... l'estimation à la baisse du budget du film, c'est 150 millions. L'estimation à la haute, c'est 200 millions. Avec les frais marketing et autres, ça ne m'étonnerait pas qu'il monte. C'est ça. Et à l'international, il a rapporté 432 millions, ce qui est assez faible pour un film du MCU. C'est peu pour un Marvel. C'est peu. Et il a surtout fait plus aux États-Unis que dans le reste du monde. Bah, je veux pas être méchant, mais honnêtement, vous avez voyagé devant le film, vous ? Non. Bof. Non, parce que au début, ben c'est pas en Asie. Après Macao, c'est juste une grande ville, et la France, ça n'existe pas. Donc, je voyage à aucun moment. Bah, même que ça n'existe pas. Pour moi, comme je disais, c'est vraiment l'asiatique, mais bah, c'est pas... tu sens que c'est l'asiatique par les touristes, et ça va être aussi un truc récurrent des communautés entre guillemets dans la phase 4, c'est-à-dire que Moon Knight ça a le même problème, Miss Marvel c'est encore pire. Alors, la Black Panther avait plutôt bien réussi, ouais. Je trouvais, ben, justement Black Panther il fait aussi partie de ces films qui ont mieux marché aux États-Unis que dans tout le reste du monde. Mais Black Panther, aux États-Unis, t'as une importante communauté afro-américaine. Il y a aussi ça qui joue. Et le film joue là-dessus dès le début. Et je pense qu'ils ont pas le même écho. Mais après, Black Panther, enfin, Roman, on connaît pas ton avis sur Black Panther, mais Black Panther, je trouve, au-delà du fait qu'il est bien meilleur, j'avais au moins l'impression de découvrir un univers à part entière tout en étant, tout en voyageant à peu près avec Black Panther. Oui, j'aime beaucoup. Ça restait... très américano-centré. Hein. J'aime beaucoup Black Panther pour le coup. Et c'est vrai que visuellement, ça offre des trucs qu'on a quasiment jamais vus. Ça me rappelle une phrase que Durandal avait dit parce qu'il avait mis Black Panther dans son top des films de 2018, je crois. Et qui disait que c'était quand même relativement, enfin même très original pour un film du MCU. Et les gens ne comprenaient pas s'il y avait d'original. Et il avait répondu à ça en disant. Citez-moi un autre film avec une ville afro-futuriste. Rien que ça. Oui, après, cet argument-là, ça peut être aussi détourné facilement. C'est-à-dire que Shang-Chi, donne-moi un autre film où t'as des dragons comme ça. Tu vois, il faut aussi qu'il y ait autre chose à côté. Détective après, dit. Sur ce point-là, on peut... Détective dit. Ouais, sauf que là, à ce moment-là, c'est pas à la faveur de Shang-Chi. Oui. Parce que Détective D, la différence, c'est que c'est... je trouve en tout cas que c'est un chef-d'œuvre, mais... Voilà. Bah, c'est Tsoyark, en même temps. Oui, voilà, mais j'ai envie de dire... Tsoyark, il suffit qu'il touche une caméra, et je pense que Tsoyark pourrait filmer un mur, que ce serait bien, quoi. Oui, mais voilà, mais donc oui, Black Panther, c'était quand même très innovant dans ce que ça faisait. Et au-delà de ça... Alors, j'ai pas d'attache particulière à Chadwick Boseman, mais j'aime énormément Michael B. Jordan, par contre. Oui, bah, son méchant, vraiment, il a envoyé du bois à Killmonger. Oui. Vraiment, il était super dans Black Panther. Bah, c'est même la grosse qualité du film. Et même au-delà de ça, Black Panther, il y a toute la musique qui est géniale. Black Panther, en général, c'est vraiment cool. Le thème mais du Black Panther... Mais lui n'est pas forcément d'accord. Non, je suis pas fan de Black Panther. Mais c'est purement perso, c'est juste pas mon univers. Et je m'ennuie un peu dedans. Mais par rapport à Shang-Chi ? Je préfère Shang-Chi. Ouf ! Statement. Je m'ennuie moins devant, en fait, c'est tout. Black Panther, je suis vraiment pas fan. C'est parce que tu préfères les sushis? Ouais, ça, les noirs, en plus, c'est sushis, en plus, les sushis, c'est japonais. Oh non, mais ça va, c'est ouais, souvent fait par des chinois dans le resto, donc ça va. Oui, mais mais tu vois, je pense que j'ai eu le point de vue des. Je viens de résumer ce que peuvent penser les producteurs quand ils ont fait le film. Genre, hé, les gars, sushi, Asie, pareil. Oh mon dieu. Non, quelque chose à rajouter ou on peut déjà passer à la suite? Juste vite fait dire que niveau box-office, en France, il a quand même très bien marché. En même temps, tous les Marvel marchent très bien en France. Mais il a On est client. Il a fait 1 380 000 entrées. Putain, quand même. Bah après, c'était pas aussi. Après, le succès du film peut aussi s'expliquer que, dans mes souvenirs, on était encore un petit peu en sortie de pandémie. Donc, c'était encore un peu compliqué. Les salles fermaient pas à tout va, mais t'avais encore des réglementations qui faisaient que tout le monde pouvait pas y allait pas forcément. Ouais, mais par exemple, quand je te disais que le film avait mieux marché aux États-Unis que dans le reste du monde, c'est le seul de la phase 4 à faire ça. C'est vrai. Bah, après, la phase 4 n'est pas encore terminée. T'as des projets comme Black Panther 2 ou autres qui vont sortir. Et t'as eu beaucoup de séries. Je veux dire, en tant que tel, là, sur la fournée, on a fait que deux films pour l'instant. Oui, mais je veux dire, là, on en a fait que deux. Mais après ça, il y a eu Eternals, il y a eu Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2, Thor 4. Voilà, il y a eu d'autres films entre-temps. Et c'est le seul... Juste le fait que tu dises les noms, je réalise que la suite va être longue. à part Black Panther et Shang-Chi, les deux autres qui ont fait ça, qui ont fait plus d'entrées aux US que dans le reste du monde, c'est les deux premiers films de MCU, c'est Iron Man et l'incroyable Hulk. Ah bah. Parce que le site qui n'était pas encore lancé et c'était les gens ne savaient pas encore. Bah, et les comics à ce moment-là. Ouais, certes, on avait déjà eu les films X-Men ou les Spider-Man de Rémi, mais c'était pas le phénomène que c'est aujourd'hui. Et c'était très américain, surtout. Je vois bien. Et donc, Melvin, qu'est-ce que toi, dans Shang-Chi, qu'est-ce que tu retiens de Shang-Chi? Quel aspect, quelle scène, un truc en particulier? Mais alors, c'est pas grand-chose, mais comme je disais, la réalisation qui est un peu moins plate que d'habitude, on va dire, qui, dans les scènes d'action, arrive à faire quelque chose d'un peu novateur. Et un nouveau personnage, et j'aime bien, ça fait plaisir plutôt qu'avoir toujours les mêmes. Encore une fois. Ok, Roman, qu'est-ce que tu retiens de Shang-Chi, toi? Du coup, comme disait Melville, la mise en scène est très bien, et surtout très. Surtout arrive à bien gérer les scènes de combat, ce qui n'est pas toujours le cas dans le MCU. Coucou les frères Russo. Hey non, je repense aux scènes de combat de Captain America 2. Non. Je le défendrai jusqu'à la mort, Captain America 2. Mais les scènes de combat, c'est pas possible. C'est atroce. C'est sûr que t'es à mort. Juste les scènes d'action générale. La scène de la voiture avec Nick Fury, là. Je bats en retraite pour cette fois. Et c'est très bien rythmé pendant les scènes d'action. Je pense notamment, je vais pas dire les scènes qu'on a dites, donc l'échafaudage et le bus, mais la scène finale avec le combat contre Tony Leung et aussi avec les deux dragons. Je trouve que le rythme est quand même très bon dans ces scènes-là et c'est important à souligner parce que bien rythmé et bien découpé une scène d'action, c'est quand même très important. Exact, et montrer les coups. John Wick, on remercie pour ça. Moi, j'en ai déjà parlé, mais ce que je retiens, c'est vraiment le personnage de Tony Leung que je trouvais. Parce que Melvin a parlé de la réalisation et ça, mais c'est vraiment le personnage de Tony Leung, c'est-à-dire ses motivations, son interprétation. C'est souvent les méchants que je vais préférer, dans les Marvel. Et ensuite, donc, concernant la BO, là, pour le coup, c'est pas trop mauvais, c'est pas incroyable. C'est pas, disons que c'est très, ce n'est pas asiatique, mais ça fait asiatique, plus exactement. Mais du coup, c'est pas dégueu, je passerai, je pense, un extrait du thème principal. mot, enfin, sur la VF. Qu'as-tu à nous dire ? Alors, on a beaucoup d'inconnus quand même. Donc, sur le personnage de Shang-Chi, on a Arthur Kong. Sur Awkwafina, on a Celia Rosis. Donc, on peut faire grand-chose. Par contre, sur Tony Leung, attention, Fantamia, ça va pas te plaire. On a Serge Fallu. Et Serge Fallu, c'est quand même le doubleur. Je ferai pas de blague sur son nom. Sur quasi tous les films d'Adam Sandler. Donc voilà, on a un Tony Leung doublé par Adam Sandler. Par la voix de Adam Sandler. Et de beaucoup, beaucoup de personnes comme ça. Je savais que tu aimerais ce petit détail. Adam Sandler, je le mets à côté de Seth Rogen. Non, Seth Rogen est 10 fois mieux qu'Adam Sandler. C'est atroce. Non, Adam Sandler, il a joué pour Anderson. Ouais, mais Seth Rogen, il fait des meilleurs films. Mais Seth Rogen, il a joué pour Seth Rogen. Ouais, c'est vrai. Mettre Anderson au niveau de Seth Rogen, ça c'est fait. Non, c'est le fanboy de The Interview qui parle en moi. Oui, non, mais The Interview, je te la donne, il est cool. Bah, même si c'est la fin, c'est cool. Ok, Melvin, t'as terminé sur le doublage ? Ouais. Et donc, si on classe tout ça, qu'est-ce qu'on... Je propose... Est-ce que ça vous va si on commence par le bas ? On risque d'être un peu plus d'accord. Black Widow ? Ah ouais, direct. Black Widow. Black Widow tout en bas. Qu'est-ce qu'on met juste au-dessus de Black Widow ? Je serais tenté de mettre le Faucon, perso. Moi aussi, je mettrais Falcon, ouais. Ouais. Ok, donc pour l'instant, on est d'accord. Après, selon moi, c'est quand même What If. Moi, je sais entre What If et Loki. Moi, je préfère Loki. What? Bon. Non, moi, je préfère Loki. Melvin, qu'est-ce que... Non, Loki, on met... ça va pas en dessous de What If. On met What If puis Loki? Oui, oui. Allez. Non, je vous l'accorde. Ok, What If puis Loki. Est-ce que... Donc, à ce moment-là, il nous reste à mettre. Donc, WandaVision. Et Shang-Chi. Donc, on met WandaVision tout en haut. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Ah, moi, j'ai rien dit. Hein. Moi, j'ai rien dit. Tu noteras que, moi, j'ai pas mis l'idée. Je vous ai laissé le placer. Et à la fin, je suis en mode, oh, bah, il reste que WandaVision pour la première place. Quel dommage. Que moi, WandaVision, ça irait sous Loki, alors. Ah. Mais est-ce que tu veux qu'on remonte Loki? Mais dans ce cas, où est-ce qu'on met Loki? Genre, par rapport à What If? Parce que pour l'instant, le classement actuel, c'est WandaVision, Shang-Chi, Loki, What If, Falcon et Black Widow. Moi, je dis juste que WandaVision est trop haut, c'est tout. Mais trop haut par rapport à quoi ? Tout court. Non, mais laisse-le-moi, t'en fais pas. Laisse. Oui, non, mais j'ai compris dans ce podcast que je ne pouvais jamais avoir la voix qui compte. Hein. Ah, tout de suite. De toute façon, je couperai chaque contestation que tu fais, je les couperai au montage, tu verras. Ah oui, voilà, comme d'hab. On fait 3 heures d'un coup, 1h30 d'après, je comprends jamais pourquoi. Mais avant qu'on se quitte, j'ai un autre petit truc pour vous. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu l'événement qu'on a peut appeler la Comic-Con. Et sous les yeux, j'ai toutes les annonces qu'a faites Marvel à cet événement. Elles sont toutes sous les yeux, là. Et j'ai envie, sans forcément partir en énorme débat, mais de demander rapidement... votre avis à chacun sur. Je vous donne l'annonce et juste vous donner rapidement votre avis sur chaque annonce qui a été faite. Est-ce que ça vous va ? Je t'en prie. Allez. Et Roman, c'est toi qui va démarrer, parce qu'on va démarrer par l'annonce la plus enivrante. Je te rappelle avant tout que Melvin et moi, on déteste à peu près viscéralement les Spider-Man du MCU. Et donc, Roman, quel est ton avis sur la série Spider-Man Freshman Year ? Je vais savonner la planche, allez, vas-y. Oh la vache. Allez, relève-toi. Allez, relève-toi après la ça, vas-y. J'en attends tellement rien. Bah, déjà, c'est pas canon. Et puis. J'ai envie de te dire encore heureux. Et puis. Un truc, c'est que Spider-Man, dans une série d'animation, on vit dans un monde où Spectacular Spider-Man existe. À partir de ce moment-là, pourquoi vouloir essayer de faire d'autres choses ? Ouais, c'est... Non, mais ça a vraiment pas l'air de voler très haut. Et pourtant, Bon, je suis vraiment pas le plus grand fan de Homecoming qui existe, mais j'avais quand même pas mal aimé Far From Home. Qui est le meilleur de la trilogie. Et No Way Home, je boude pas mon plaisir devant, même si plus j'y pense, plus c'est con, mais je boude pas mon plaisir même, devant. J'en rajouterais même que c'est mauvais, mais bon. Voilà. Ok, Melvin, toi un avis sur la série Spider-Man? Inutile, mais c'est Spider-Man, donc j'aurais toujours une curiosité de faire un truc sur Spider-Man, je vais voir, Ouais. mais sinon c'est vraiment très inutile et je pense qu'on peut s'en passer. J'appelle ça de la curiosité malsaine, mais c'est comme tu le sens. Oui, maladive même. Ok, bon, What If saison 2, on en a déjà parlé, je propose qu'on passe juste après. X-Men 97. Ah, ça j'ai hâte. Parce que X-Men, c'est tout. Et toi, Roman? Ça va être quoi exactement? Ça va être une série C'est la d'animation suite, aussi? série. c'est la suite de la série d'animation des années 90, des années 96 du coup. Alors, j'ai pas regardé cette série. Parce que tout simplement, en 96, j'avais. Elle est cool. Bah, en Ouais, c'est 96, j'avais sympa. moins 5 ans, en fait. Donc. Non, franchement, elle est sympa. Franchement, elle est sympa. Si t'as l'occasion de revoir un ou deux épisodes, elle était pas mal. Et bah pourquoi pas, la 8. Ouais. Ok. Secret Invasion, la série. J'ai peur. J'ai Roman? très peur. J'en attends rien, je t'avoue. Bah, c'est que moi, ce que je me dis, c'est qu'au moins, ils feront pas le Civil War. C'est-à-dire, Civil War, ils ont bâclé un arc colossal des comics en un film. Là, au moins, Secret Invasion aura au moins le temps de faire quelque chose, à voir ce qu'ils vont en faire. Tiens, Melvin, tu démarres, c'est pour toi, les Gardiens 3. Ça, j'ai hâte. Parce que James Gunn et parce que les gardiens, j'ai toujours apprécié. Donc, non, Et c'est un le des. 2, le 2 était déjà super, donc il y a le potentiel qui reclasse encore avec le 3. Voilà. Juste pas Et toi, hâte de Roman? voir hâte, mais le reste, très hâte. Ben, je suis relativement hypé aussi parce que déjà le 2, ben, c'est ce que James Gunn a fait de mieux. Et On n'est pas forcément d'accord, mais on est d'accord qu'il défonce le 1. j'en veux de tous les fans de Suicide Squad. Alors, Melvin, alors tu tombes mal parce que Melvin pense que c'est super et moi je pense que c'est horribiliste, donc Donc voilà, mais faut que je vois super. Loki saison. Ah, Melvin, est-ce que Roman doit voir super? Oui. J'ai le Tu Blu-ray. J'ai le veux Blu-ray. voir Dwight Schrute de The Office se faire violer, il faut regarder super. Voilà. Et il y a Elliot Page ultra sexualisé à l'époque, donc tu vois, ça c'est le truc qui est un peu. Voilà. Ensuite, Loki saison 2, on passe rapidement. Blade. Bon. Bah, Oui, Shanna Ali en non. Blade, pourquoi pas? Ça reste un nouveau personnage dans l'univers, donc curieux de voir ce qu'ils en font. D'ailleurs, Bah, le problème. fun fact, il est déjà apparu Blade, vocalement, Oui, à dans la le fin de MCU. Eternals, à la fin de Ouais, Eternals. c'est ça. Bah, moi, en fait, j'ose espérer un truc un peu mature, parce que pour le coup, Blade qui fait des blagues, on peut dire que dans Blade 1 et 2, il en faisait déjà, mais c'était, enfin, les films étaient quand même vachement premier degré, quoi. Pour le coup, c'est quand même compliqué de faire autrement. Echo, j'en ai rien à foutre, c'est triste, j'en ai rien à C'est quoi, foutre de Echo? Echo. T'as vu Hawkeye? C'est quoi? Bah, dans Hawkeye, c'est sur le personnage muet de Hawkeye. Il n'y a pas un truc aussi, ils vont faire revenir tout le monde, Daredevil et tout ça là-dedans. Ouais, Daredevil, tout ça. En gros, c'est la suite de Hawkeye, quasiment. La team Disport. Iron Heart. Bah ça, j'attends Black Panther. Parce qu'en attendant, on ne connaît pas trop quoi. Alors, dans Ouais, Black Panther bah, 2, Iron. il sera. Elle y sera. À voir. Agatha, Coven of Chaos. Moi, je suis peut-être un des seuls au monde, mais j'attends, l'air de rien. Moi, rien à carrer de ça. Hein. Et toi, Roman? Team Melvin ou t'es dans ma team? Ah, team entre les deux, hein, team pas grand-chose à Curiosité foutre. malsaine. Voilà, la fameuse. Captain America, New World Order. Sachant que c'est réalisé par, il me semble, le mec qui a été en charge du dernier Cloverfield. Oui, c'est Donc, ça. pas un génie, quoi. Ah ouais, il était pas ouf le dernier, là, Clafoot Non, et Paradox. non, il pue la merde. Hein. Tu peux le dire, il est très mauvais. Très, très mauvais. Et lui, je l'attends pas pour Bon. une seule bonne raison. Je n'ai Captain America, j'ai jamais été fan. En plus, c'est le faucon. Je vais persister à dire que ce personnage, je n'aime pas. Voilà, ça manque de Chris. Ensuite, Daredevil Born Again. Est-ce qu'on peut l'envoyer se faire foutre ? J'ai jamais vu la série originale, donc moi, à la limite, pourquoi pas. Les deux premières saisons sont excellentes. Les deux premières saisons sont excellentes. Ça, Thunderbolts. Mais alors, sur le papier, je suis curieux. Maintenant, vu les personnages qu'on va voir dedans, j'ai pas, m'en fous un peu. Roman, ouais. Il est content parce qu'on va voir Florence Pugh. Alors, je suis pas spécialement fan de Florence Pugh, c'est juste que elle surnage dans Black Widow, c'est juste ça. Mais oui. Mais déjà, je pensais que c'était une série à la base, et là, je me dis que c'est un film, Thunderbolts. Non, c'est un film. C'est un film, ouais. Et je suis assez hype, donc on aura qui là ? On aura US Agent, Yelena, et on aura qui d'autre ? Florence Pugh, Zemo, en théorie. Ah, Zemo, ok. Ouais, Zemo. Et après, je sais peut-être que j'en oublie, mais peut-être l'Abomination, pour le coup, peut-être. Ok. À voir ce qu'ils en feront dans la série, j'allais vous demander juste après, mais à voir. Et du coup, transition en or, She-Hulk, sachant que les bandes annonces font pleurer, donc qui en est là, qui va voir ? Je suis très curieux parce que c'est un truc d'avocat et j'ai toujours stressé. De voir à quel point ils ont raté les effets spéciaux. Oui, ça c'est autre chose. Alors, c'est les effets du trailer qui sont ratés. On sait pas encore ce que ça donnera dans. Oui, mais t'as vu Black Widow, voilà. Ouais, ils en sont capables, hein. Ensuite, les 4 Fantastiques. Ça, j'attends beaucoup. Sachant que John Watt a quitté le vaisseau. C'est la meilleure nouvelle du monde. Sachant que John Krasinski en Red Richards. C'était super cool. Non, mais pour le coup, moi, je rêve d'une chose, peut-être. Je rêve d'une banque. C'est Krasinski en Red Richards. D'une banque, exact. C'est... Ils me mettent Krasinski en Red Richards et à la Real, Emily Blunt en Susan Storm, et déjà, rien qu'avec ça, je serais content de voir le film. Et Chris Evans en Johnny Storm, encore. Encore. Encore. Et enfin, les deux morceaux, finalement, Roman, c'est toi qui démarres, les Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Je suis très très très hypé. Est-ce qu'on sait qui va les réaliser encore ? Tant que c'est pas les Russos. Non, mais ce sera pas les Russos. Ouais, j'ai c'est vu. C'est pas les Russos, ça a été confirmé. J'ai vu que Kevin Feige avait confirmé que ce sera pas les Russos, encore heureux. Trop hype. Toi, t'es hype. Ah, grave. Toi, Melvin ? En fait, c'est un peu dur de se positionner parce qu'on sait pas vraiment qui seront les Avengers à ce moment-là, qui sera la menace et tout. C'est parce que Kang, on l'a vu une fois et encore, c'était même pas lui. Donc pour le moment, pour le coup, pas grand-chose. Ce sera Kang la menace. Ça peut venir, la hâte peut venir, mais pour le moment, disons qu'on ne sait pas trop en quoi ça concerne. Quoi. Bah, pour le coup, je suis un peu Team Melvin, c'est-à-dire que j'ai envie. En fait, sincèrement, je me souviens tellement de mon état devant Endgame où j'étais vraiment. Enfin, c'est tous les héros qu'on suivait et qu'on a suivis depuis qu'on était enfant, tu vois, qu'on voyait enfin se conclure. Ça, j'étais tellement hype par ça que j'ai envie de revivre la même chose. Est-ce que c'est naïf ou pas, je sais pas trop. Mais j'ai l'espoir que Marvel arrivera plus à me convaincre dans les suites. Mais j'ai gardé pour la fin le meilleur truc, finalement, ma plus grosse attente Marvel, I am Groot. Ah non, il y en manque encore une. T'en as oublié une. Laquelle ? Ant-Man. Ah oui, mais Ant-Man, pour le coup, c'est juste qu'on. Ça va, Black Panther, pareil, on sait déjà qu'ils étaient là, mais après, Ant-Man, on en avait déjà parlé. Moi, perso, je suis plutôt content. Mais à voir. Modok. Ah putain. Voilà. Moi, je veux juste voir ça, c'est tout. Roman, toi, sur Ant-Man 3 ? Pourquoi pas ? Je rappelle que Ant-Man 2 est un chef-d'œuvre. Hein, c'est... Ant-Man 2, il y a les Hot Wheels. Oui, voilà, Ant-Man 2, il y a les Hot Wheels. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire contre ça, quoi ? Et bah, Modok. Non, mais Melvin, voilà. Tu ne sais pas apprécier les choses. Ouais, Modok en Hot Wheels, tu ne sais pas apprécier les choses simples. Non, mais ça. Et rapidement, je ne sais pas si vous avez vu le trailer de Black Panther 2. Perso, je ne l'ai pas regardé, mais si vous l'avez vu, ouais. Une réaction peut-être ? J'ai déjà pas hâte et j'ai toujours pas hâte. Après, ça a l'air joli, ça va dans la continuité du 1, quoi. Ce qui est plutôt cool. Alors, les gars, je suis sur un site pour savoir. Donc, c'est qui pourrait réaliser Avengers 5 et 6? Donc, il y a plusieurs noms en liste. Donne-nous des indices. Donne-nous des Alors, indices, peut-être, on essaie de les non, donner. mais il y a. Alors, Star Wars? Abraham. J.J. Abrams? Non. Johnson, alors. Ah, Rian Johnson? Alors, ah, bah cool, ça serait il n'y a rien de confirmé, donc, mais il y a cool. Rian Johnson. Il y Je a. dis oui. Ouais, c'est C'est dans cool, des propositions, juste. Il y a aussi le réal de 10 Cloverfield Lane. Ah, comment il s'appelle? Il a un nom, genre un nom du. Je sais plus comment il s'appelle. Un nom de médicament allemand, Dan Trachtenberg. Dan Trachtenberg, ouais. Ouais, pour le coup, en plus, Clover, après, je sais pas si ce serait bon sur un Avengers, mais 10 Cloverfield Lane, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, je trouve ça super cool. C'est super cool, Tender Field Lane. Mais par contre, Marvel, ils C'est ont fait, vachement. bon, les gars, il faut des réals. Oh, une saga Cloverfield, ça a l'air cool. On va tout prendre là-dedans. Donc, comme ça, au moins. Mais en tout cas, Rian Johnson, je suis pas méchant de revenir dessus. Honnêtement, c'est parce que son Star Wars est le meilleur de la postlogie. Et ceci, à mon avis, définitif, il ne risque pas de changer. Donc, pour le coup, ça peut être vraiment très très bien. Après, le Trachtenberg, à voir ce qu'il va faire avec. Comment? À couteau tiré. Oui, à couteau tiré, évidemment, qui est aussi super. Et Trachtenberg, il est en charge du dernier Predator. Donc, Ouais. à voir ce qu'il va proposer avec ça. Alors, il y a deux autres noms dans un truc que genre, ce serait cool que machin réalise. Joseph Kosinski. Oui. Oui. Oui. Ah, honnêtement, son Top Gun, bah, il est dans mes recos, mais son Top Gun, c'était une super surprise, honnêtement. Voilà, Joseph Kosinski et Brad Bird. Et pourquoi pas? Son Mission Et Impossible 4 pour... Non, est non, vraiment sympa. je vais poser l'autre question. Pourquoi? Parce que son Mission Impossible 4 est très sympa et il a déjà travaillé chez Disney. Bah, après, pour le coup, c'est vrai qu'il arrive à donner une dynamique Mais juste les de... indestructibles, les gars, les indestructibles. Oui, mais on Ouais, parle le en 1, termes le d'autres 1. Je suis animations. pas très fan. Je suis Dans pas les fan du deux. 2, mais j'adore le 1. Mais même à la poursuite de demain, j'ai bien aimé. Oui, c'était très cool. C'était Mais. lui qui avait fait ça? Oui. Oui. Oh la vache. Mais même Je Mission me rappelais même Impossible pas de ce 4, truc. même. Mission Impossible, c'est Melvin le fan. Sauf du 2. Ratatouille. Ratatouille Ratatouille et le aussi. géant de fer. Le géant de fer, c'est turbo clacasse. Mon Dieu! Ouais. Melvin voit le géant de fer. Il l'a toujours pas Prévu, vu. c'était prévu. C'est ça. Et après, pour le coup, Ratatouille, c'est vrai que je suis très très fan. Mais à voir, même si pour le coup, je vous avoue que Joseph Kosinski pour réaliser Avengers, je suis super chaud. Moi Alors, le gars aussi. est pas non plus un auteur, mais il sait donner une vraie puissance à ses blockbusters. Et donc, avant de conclure rapidement, est-ce que vous avez des recos? Sachant que Melvin, on n'en a pas fait sur le dernier épisode, t'as le droit à deux recos. Qui veut démarrer? Je vous laisse démarrer. Oh, allez, je te fais deux recos qui n'ont rien Melvin, à voir. vas-y. Ça Un va pas. porno et... Eh oui, la sextape de Corentin. Ah! Non. Eh oh, je suis dessus! Ça non, mais déballe, ça déballe. le film Détention, du coup, Corentin fait découvrir. Je suis tombé amoureux de ce film au premier visionnement. Ah, de C'est Joseph vraiment une. Kahn. C'est vraiment une pépite. Et donc voilà, si vous aimez les gros délires, mais bien écrits. Et en deuxième recours, les jeux de société très futés, qui n'ont rien à voir, et que je conseille Oui. aux amoureux des jeux et des dés. Voilà. C'est un truc vraiment sympa pour s'amuser. Sur Détention, je me permets juste de rebondir. En effet, vraiment, faut voir Détention, ça tue. Et également, je me permets de recommander le film suivant de Joseph Kahn, Bodied, sur le monde du rap, qui est une Ah oui, petite pépite, ça faut que je le voie. qui est excellent. Il est excellent, vraiment, c'est ultra galvanisant. C'est à l'occasion, vois-le avec d'autres personnes. Je l'ai vu avec une dizaine de personnes et c'est juste mais fou. Et Joseph Kahn, il a fait un court-métrage Power Rangers qui est dispo sur Dailymotion qui dure 14 minutes. Attends, et sans déconner, alors déjà c'est assez violent, mais c'est le meilleur truc Power Rangers qui a été fait. Vraiment, il est excellent le court-métrage. Et Roman, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, j'avais pas vraiment d'idée, je sais ce que tu dis, ce court-métrage Dailymotion. Et alors, je vais conseiller Massacre des Bouchiottes. Il voulait juste le placer, putain. Voyez Massacre des Mouchiottes, c'est un court-métrage, ça dure une demi-heure, ça sur Dailymotion, c'est français. Ça date de la fin des années 80. Et d'ailleurs, si vous achetez le coffret quadrilogie Blu-ray de Toxic Avenger, vous avez le 2 dans les bonus. Le titre me vend du rêve. Hein. L'accroche du film, Melvin, pour Turner, c'est interdit aux merdeux. Wow. Voilà. Voilà. Ah, mais il faut le voir pour le croire. Hein. Et non, un truc un peu plus mieux. Melvin, tu parlais de jeux de société. Le jeu de société VHS Junkies, qui est une sorte de Trivial Pursuit film d'horreur. Tu m'as eu. C'est, ouais. C'est génial. Quand Ulysse était venu, on a joué que à ça. Écoute, je note, mais je pense que... Il me faisait pas mal d'œil, mais tu viens de finir de me convaincre d'y jeter un œil plus attentif. Eh ben, allez. Et moi, je vais recommander, on va dire, les trucs de bourrin, parce que bon, voilà, je suis pas connu pour la subtilité. J'en ai parlé rapidement, du coup, c'est Top Gun 2 qui vraiment, j'y allais un peu en traînant des pieds, c'est-à-dire que Kosinski, j'aime beaucoup son Oblivion. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez vu. Pas vu. Oui, vraiment sympa. Je trouve que Oblivion, c'est vraiment pas mal. Tron Legacy, c'est très beau, mais c'est très chiant. Et j'avais bien aimé Only the Brave, qui est un truc sur les pompiers avec Miles Teller sans moustache. Et honnêtement... Ce qui est un défaut. Ah mais ce qui est un défaut. Et Top Gun 2, j'avais un peu peur avant de les voir parce que je me disais suite tardive, équipe entièrement différente. Mais bah non, en fait, ça tue. C'est-à-dire vraiment Top Gun 1, je suis pas le plus gros fan. Et là, le 2, mais ça défonce vraiment. J'ai trouvé ça excellent. Et juste en parlant de suite tardive avec une équipe différente, je recommande Arthur Malédiction. Pour le coup, non, ça, c'est d'un putain, ça, non. Et j'ai deux autres recos, je triche un peu, mais voilà. C'est Cold Fish de Sonotion que j'ai revu il y a pas longtemps, en début de semaine, et qui est toujours un des plus grands films de tueur en série, un des plus grands films d'horreur qui m'a été donné de voir. C'est un film que je trouve absolument incroyable, mais qui est très, très, très gore et vraiment. Très glauque. C'est vraiment, il y a une scène notamment de découpage de cadavres où les deux personnages n'arrêtent pas de rire. C'est absolument terrifiant. Et l'autre truc, et je pense, Roman, il me semble que tu l'as vu, c'est It Follows. Oui. Hein, même moi, je l'ai vu. Que je trouve que le film est un peu surévalué, mais je l'ai revu pour le montrer à quelqu'un. En fait, j'en avais un souvenir un peu, pas ouf. Et en fait, non, je trouve que le film n'est pas un chef-d'œuvre. Son message est un peu grossier et autres. Mais je trouve qu'en termes de mise en scène et sur une créativité pour renouveler le genre du slasher, vraiment, il se pose là. Il y a quelques scènes vraiment bien, bien glauques. Je pense à la scène de l'homme qui est très, très grand. Je pense que vous vous en rappelez si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez une réaction sur It Follows, les gars. C'est cool. C'est vraiment sympa, mais après, je pense un peu très évalué, quoi. Non, mine de rien, je ne me suis pas ennuyé. La musique est vachement bien. La musique de It Follows est très très belle. Très très belle musique de It Follows. Mais donc voilà, c'est juste les petites recos. Donc je mettrai tout ça en description comme d'habitude. Merci à vous d'avoir suivi. A priori, Roman, tu reviens avec nous pour conclure cette phase 4 de l'enfer. Allez. Sachant, tiens, juste avant, est-ce que vous avez un avis rapide à donner en quelques mots sur Thor 4 avant qu'on rende l'antenne ? J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux. Au global, on est tous à peu près du même avis, même si je pense que j'ai surtout vu mieux, moi. C'est, voilà. Mais donc voilà, merci à vous et on se retrouve, on se retrouvera dans un futur épisode pour conclure la phase 4. Donc merci à vous et on se dit à plus tard, tout simplement. Oui. À plus.